إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dans le درس passé, on avait parlé, يعني on s'était arrêté que, on avait dit que, يعني toutes les religions, même les fausses religions, reconnaissent qu'il y a un jour où on doit rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Même les chrétiens reconnaissent cela, même les juifs, tous disent qu'il y a un jour où on doit rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais bien sûr, leur Dieu, ce n'est pas notre Allah. Nous en avons Allah, c'est son nom, Allah azzawajal. Eux, ils ont un Dieu qui se sont fabriqués. Ils ont, avec leur raisonnement et leur philosophie, ils se sont dessinés ou sculptés ou un dieu à eux. Nous, Allah Azza wa Jalla, je ne sais pas, peut-être la fortune ou Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, maintenant, si on doit rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, si on a tout le monde atteste cela, et si tout le monde reconnaît cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit se préparer pour ce jour. À quoi ça me sert de savoir que je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala si je ne me prépare pas pour ce jour? À quoi ça me sert que je sache qu'il y a la fournaise et l'enfer qui attend si je ne me prépare pas pour ce jour? À quoi ça me sert que je sache qu'il y a un paradis qui attend si je ne me prépare pas pour être de ceux qui vont l'entrer? C'est à peu près comme si on me disait, il y a un lion devant la porte, un lion et un crocodile. Je vais leur dire, ça, je vous ai cru, vous avez raison. Ensuite, je sors. J'ouvre la porte et je sors sans avoir d'armes, sans avoir de ni mitraillette, ni rien de... Je sors comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas cru. Si vraiment j'avais cru ce qu'on m'avait dit, jamais je ne serais sorti comme ça, désarmé, à moins que je ne sois un fou. C'est la même chose. Celui qui a reconnu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il doit le rencontrer. Et qu'il y a un jour où il reste, où il sera avec lui, et seulement les deux, en aparté. Allah Azza wa Jalla parlera à chacun de nous en aparté, ce qu'on appelle maintenant nous en PV, chacun de nous. Et seulement Allah et lui. Ensuite, après cela, je ne me prépare pas, je dors du matin au soir, je fais seulement le haram, ça veut dire que si j'ai cru, c'est que ma foi est vraiment faible. Si j'ai cru, ça veut dire que ma foi est vraiment, vraiment, vraiment faible. Aujourd'hui, on va rentrer dans un autre pilier, pas moins important que les autres, où il est dit, وَالْإِمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Le croyant croit aussi au qadr, au destin, et c'est aussi la prédestination. Il a dit khayrihi, son bien et son mal. Le bien qu'il y a dans la prédestination et le mal qu'il y a dans la prédestination. Ensuite, il a dit al-qadaru huwa taqdiru Allah azza wa jalla lil-ashiya. On a dit le qadr, la prédestination a dit, c'est huwa taqdiru Allah azza wa jalla lil-ashiya. C'est la prédétermination de des choses, que Allah azza wa jalla, va créer ou la veut créer, c'est ce qui a suivi, c'est ce qui a été avant qu'il ne crée. Il a dit ici وَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a tout écrit, hein, ce qu'il va y avoir avant qu'il ne soit, avant que cette chose ne soit, avant que les choses ne soient, Allah les a écrites avant qu'il ne crée les cieux et la terre. Avant qu'il ne crée les cieux et la terre, yani avant combien? 50 000 ans. 50 000 ans. Il n'y avait ni cieux ni terre. Allah avait déjà écrit ce qui allait se passer jusqu'à la fin du monde. Allah avait écrit 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Allah a écrit tout ce qui va se passer dans ce monde avec les plus infimes détails, les plus petits détails. Tout est écrit dans le tableau préservé. La fourmi, il y en a combien? Des milliards. Chaque fourmi, c'est écrit qu'est-ce qu'elle doit manger, quand est-ce qu'elle elle est fécondée, quand est-ce qu'elle meurt, si elle se marie avec qui elle se marie. Tout est écrit. Tout est écrit, même la fourmi. La feuille, quand elle tombe. Nous, on marche dans la rue, on dit c'est l'automne, il y a les feuilles qui tombent. Aucune feuille ne tombe si ce n'est pas écrit qu'elle doit tomber à un moment précis. Elle n'a pas le droit de tomber avant. Tu la frappes, tu frappes l'arbre avec la branche avec les cailloux, la feuille ne tombe pas, ne tombe que celle qui a été déjà écrite 50 000 ans avant les cieux et la terre, leur création, que cette feuille doit tomber ce jour-là. Sinon, rien ne tombe, rien ne bouge. Illa bi idhnillah azza wa jal. Et dans le hadith sahih, hadith Abdullah ibn Amr, alors, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire كتب الله مقادير الخلائق. Allah عز وجل a écrit, يعني tout ce que vont faire les خلائق, les créatures, قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة, comme j'ai dit, avant que Allah عز وجل ne crée les cieux et les terres de 50 000 ans, وعرشه على الماء, et son trône sur l'eau, Allah عز وجل a dit dans le Coran, ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Ne sais-tu pas qu'Allah Azza wa Jal sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre, kitab. Tout cela est dans un livre. Et cela est pour Allah bien facile. Maintenant, quand il a dit خيره وشره. Maintenant, le destin, il y a le mal et il y a le bien dans le destin. Il a dit, أَمَّا وَصْفُ الْقَدْرِ بِالْخَيْرِ فَالْأَمْرُ فِيهِ ظَهَرِ. Dire que le destin comporte du bien, il a dit, c'est quelque chose يعني, de clair. Ça n'a pas besoin d'explication. Tout le monde sait que يعني, le destin comprend يعني, du bien. Il a dit, وَأَمَّا وَصْفُ الْقَدْرِ بِالْشَرِ. Mais, yani, dire que le destin yani, comprend du mal, le contient aussi du mal, il va expliquer ce que c'est. Parce que ça, c'est un peu un problème pour ceux qui n'ont pas bien compris le destin, la prédestination, et qui ont des problèmes, ce grand pilier. Il a dit, فَالْمُرَادُ بِهِ لَا شَرَّ الْقَدَرِ فَالْمُرَادُ بِهِ شَرُّ الْمَقْدُورِ لَا شَرَّ الْقَدَرِ الَّذِي هُوَ فِعْلُ اللَّهِ. Il a dit, le mal qu'il y a, dans le destin, c'est pas le mal que Allah Azza wa Jal a fait. Il a dit c'est le mal que les créatures font. Naam. Quant au bien, c'est le bien que Allah Azza wa Jal a créé et a fait. Mais quant au mal, c'est le mal que les créatures font. C'est pas le mal le fait par Allah Azza wa Jal. On va le voir un peu plus loin. Allah Azza wa Jal, certes, a créé le mal pour qu'on ne dise pas. Comme disent certains gens, le shaitan a créé le mal. Certains gens disent, Allah a créé le bien, le shaitan a créé le mal. Et ils ne savent pas qu'en disant cela, ils ont dit qu'il y a deux dieux, naam. Allah qui a créé le mal, et l'autre dieu qui a créé le bien. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Il n'y a qu'un seul Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'un seul dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal a créé les deux. Il n'y a personne qui peut créer quelque chose. Sauf Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur. Il a créé le bien, il a créé le mal. Mais le mal, quand il l'a créé Allah Azza wa Jal, il l'a créé, yani, contenant beaucoup, beaucoup de bien. Son bien est beaucoup plus grand que le mal qu'il y a dans le mal. Et le mal, on ne dit qu'il est mal que par rapport aux créatures qui le font. et par rapport à Allah qui l'a créé, c'est tout. C'est pas comme le bien. Le bien, on dit Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, et dans les actes de Allah subhanahu wa ta'ala, il fait le bien. Mais le mal, jamais il le fait, Allah azzawajal. Jamais Allah azzawajal le fait le mal. S'il le crée, c'est pour de grandes, une grande sagesse, pour beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Mais ce sont nous qui faisons le mal. Ce sont nous qui faisons des mal. C'est pour ça qu'il a dit, فالمراد به شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله فإن فعل الله عز وجل ليس فيه شر les actes de Allah subhanahu wa ta'ala ne comprennent pas et ne contiennent pas de mal. Il n'y a pas de mal dans ces actes de Allah subhanahu wa ta'ala. كل أفعاله خير وحكمة. Tous ces actes, c'est du bien et c'est de la sagesse. لكن الشر في مفعولاته ومقدوراته. Mais le mal se trouve dans يعني, les créatures, les choses يعني, qui ont été créées. Ce sont telles qui font le mal. Ensuite, il a dit, c'est pour ça qu'il y a dans un hadith sahih, il est là, rawah muslim, qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il a dit, le mal, pardon, le bien, et en ta main, et le mal n'est pas de toi. C'est pas toi, ya Allah, qui fait le mal. Certes, toi, tu l'as créé, mais tu n'as pas dit aux gens de faire le mal. Il aura dit attention, ne faites pas le mal. Ne buvez pas l'alcool, ne tuez pas les gens, ne volez pas, ne faites pas ce qui est haram, tout ça. Le haram, c'est toujours un mal. Mais ce sont les gens qui le font. Ce sont les gens qui le font. Comme Allah Azza wa Jal. Qui a créé l'alcool? C'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé. Mais est-ce qu'il a dit aux gens, buvez l'alcool? Il aura dit, ne la buvez pas, et vous en boirez mieux qu'elle le jour où vous me rencontrerez. Donc Allah Azza wa Jal crée la chose, et il te dit attention, ne la fais pas. Moi, je sais pourquoi je l'ai créé. J'ai des chikmas et des sagesses que des fois, vous les connaissez, des fois, vous n'êtes pas obligé de les connaître. Ensuite, il a dit, مثلاً, on donne un exemple. نَحْنُ نَجِدُ فِي الْمَخْلُوقَاتِ الْمَقْدُورَةِ شَرَّ. Il a dit, on trouve, par exemple, dans les choses qui ont été créées, dans les créatures, on trouve beaucoup de mal. Par exemple, on trouve les serpents, الحيات, ou العقارب, on trouve les scorpions, ou السباع, on trouve les prédateurs, ou l'amrad, on trouve les maladies. Toutes ces choses ont été créées, bien sûr. Al-faqr, la pauvreté. Al-jidb, la sécheresse. Wa ma ashbaha dhalika. Et des choses qui ressemblent à celles-là. Wa kullu hadhihi bi-nisba lil-insan, toutes ces choses-là, toutes ces choses que je viens de citer, par rapport à l'être humain, même par rapport aux croyants, c'est quelque chose de mal. Les serpents, c'est mal, le scorpion, les prédateurs, les lions, etc., les maladies, tout ça, on les aime parce que quelque chose de mal. Et أنها لا تلائمه. Pourquoi? Parce qu'elles ne nous conviennent pas. Et ces choses-là qui ont été créées ne nous conviennent pas. Et il y a aussi, on trouve aussi, le ma'as, et on trouve les péchés, ou le kufr, la mécréance, ou le fujour, ou le fousour, la perversité, le fousour, ou le qatl, les meurtres, les assassinats, ou غير ذلك. وكل هذا الشر tout ça c'est du mal شر tout ça c'est du شر لكن باعتبار نسبة الله عز وجل هي خير mais quand ces choses là on les rattache à Allah subhanahu wa ta'ala on dit tout ça c'est du bien c'est du خير tout ça c'est du bien et c'est خير c'est du bien beaucoup de خير لماذا لأن الله عز وجل لم يقدرها إلا لحكمة بالغة عظيمة parce que Allah عز وجل a créé ces choses là les serpents, les tueurs, il ne les a créés que pour une grande sagesse. Comme j'ai dit, la connaît, qui la connaît, et l'ignore, qui l'ignore. Il y en a qui la connaissent, il y en a qui l'ignorent. Les grands ulama connaissent, les autres ne connaissent pas. Donc, en ce qui concerne, ça c'est comme conclusion, il y a un petit résumé, on dit que le mal, c'est Allah Azzawajal qui l'a créé, c'est pas le shaitan. Mais, quand il a créé Allah Azzawajal, il l'a créé contenant beaucoup plus de bien que de mal. Ensuite, ce sont les créatures qui, lorsqu'elles le font, comme mal. Elles le font comme mal. Donc, on dit que Allah Azza wa Jal a créé le mal pour une grande sagesse, ou bien beaucoup de sagesse, beaucoup de chikmah, beaucoup de chikmah. Prenons par exemple seulement, prenons la créature d'Iblis. Iblis, c'est le symbole du mal. Shaitan, c'est le symbole du mal. Pas peut-être, tout le mal peut-être vient de lui. Mais est-ce que Iblis a été créé comme ça, sans raison, sans sagesse? Allah Azza wa Jalla l'a créé sans sagesse. Allah Azza wa Jalla a créé Iblis pour que ils fassent du mal aux gens et pour qu'ils nous fassent du mal du matin au soir. Là, je dois créer Iblis, ou de grande sagesse. Ibn al-Qayyim, rahmatullah, dans beaucoup de ses livres, montre les grandes sagesses de la création d'Iblis. Je les ai lus, ça fait très, très longtemps, je les ai oubliés. Mais je n'ai pas oublié qu'il a dit, par exemple, que quand tu sais qu'il y a Iblis, tu te préserves. Du matin au soir, tu as peur de lui. Donc, le fait d'avoir peur, c'est de te rapprocher beaucoup plus d'Allah. S'il n'y avait pas Iblis, chacun dirait, là, moi, je n'ai pas peur. Je suis sûr, je ne vais pas faire péché. Je me connais, je me connais. Mais maintenant, quand il y a Iblis, maintenant, c'est difficile. Il faut que tu sois toujours en garde parce qu'il est toujours à l'affût. Il est toujours à l'affût, il te guette. Innahu yarakum, huwa wa qabiluhu min la zogadi, il te voit lui et sa tribu du fait ou l'amchak que vous ne le voyez pas. Nous, on ne le voit pas et lui, il nous voit. Peut-être moi, je suis maintenant ici, assis ici en train de faire le dars, peut-être il est avec moi, peut-être il est avec sa famille, ils sont tous dans la chambre. Allahu alam. Peut-être qu'il n'aime pas le dhikr, il sort. De toute façon, quand on sait qu'il y a Iblis, on se préserve du matin et au soir. Quand on sait qu'il y a Iblis, on fait des doua aussi. Allahumma kfina sharra. Allahumma la tu'inhu alayna. Allahumma ukhdulhu wa kada. Donc, ça te pousse déjà à faire les doua. Ensuite, quand il y a le shaitan, ça veut dire que tu vas faire le jihad. Le jihad de l'âme, le jihad de nefs et le jihad shaitan. Et ceux qui font le jihad, Allah Azzurra les aime beaucoup. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Ceux qui font le djihad en moi, je vais leur ouvrir mes portes, etc. À peu près comme ça a dit Allah Azza wa Jalla. Mais s'il n'y avait pas le shaitan, tout le monde savait que, il n'allait pas faire de faute, donc il n'allait pas faire de dua, donc il n'allait pas avoir peur de ne pas rentrer au paradis, il n'allait pas avoir peur de rentrer en enfer, et ça n'aurait pas eu beaucoup de valeur. C'est pourquoi, voilà quelques-unes des sagesses que pour lesquels Allah Azzawajal a créé Iblis. Il y en a beaucoup, je les ai oubliés, mais il y en a beaucoup. Je veux dire, conclusion, le mal, Allah Azzawajal ne l'a pas créé pour le mal. Allah Azzawajal n'aime pas le mal, il ne l'a pas créé pour qu'il fasse du mal. Allah Azzawajal a créé le mal, pourquoi? Pour que de grande sagesse que seul Allah Azzawajal connaît, que seul Allah Azzawajal connaît, ou certains connaissent, bien sûr, certains connaissent aussi certaines choses. Ensuite, il a dit, ثم اعلم ايضا ان هذا المفعول الذي هو الشر شر قد يكون شرا في نفسه لكن خير من جهه اخرى. Ensuite, il a dit, et sache aussi, que, ce mal qui est mal en lui-même peut-être d'un autre côté peut contenir beaucoup de bien. Et peut-être un bien de l'autre côté. C'est un mal, mais c'est proportionnel. Le mal peut être pour toi un mal, pour moi un bien. C'est pour ça qu'on dit, ils ont toujours dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Pour toi, aujourd'hui, tu vas te marier, c'est un mal que la pluie tombe. C'est dommage, la pluie tombe, ça ne va pas bien se passer, ils vont se mouiller, le arf, il ne va pas bien se passer. Non, pour toi, mais pour moi qui suis fellah, qui suis agriculteur, je lève mes mains, j'ai fait un doua et je dis à Allah, je te remercie pour cette pluie que tu as fait tomber. Parce que la terre était sèche, là c'était la sécheresse. J'avais besoin d'eau pour mon jardin. Donc le malheur qui était pour toi, c'est un bien pour moi. Donc c'est proportionnel. C'est nisbi. C'est nisbi. Il a dit, donnons un exemple, quand quelqu'un fait la fornication, مثلاً إذا كان غير محسن. Quand quelqu'un fait la fornication, s'il est marié, on doit le lapider jusqu'à la mort. On le met dans un trou, lui et la femme, on les frappe avec des cailloux jusqu'à ce qu'ils meurent. On les met dans un trou, on laisse seulement la moitié du corps qui sort. S'il est maintenant, il ne s'est jamais marié, c'est quelqu'un célibataire, on le fouette son coup de fouet, ensuite on le fait sortir du pays où il était vers un autre pays, comme ça pour qu'il soit loin de la famille où il a fait des problèmes à la fille, etc. Il faut qu'il s'éloigne d'elle et de sa famille. Il s'éloigne d'elle et de sa famille. Et comme j'ai dit une fois, On l'envoie pas yani, dans un pays où il y a l'asthme. On l'envoie pas ni en Suisse, ni en Suède, ni en Angleterre, ni en Espagne, ni en France. On l'envoie yani, du côté de l'Amazonie, côté où il y a les crocodiles et les singes. On l'envoie là-bas, rester seul. Plus maintenant, c'est très difficile de l'envoyer là-bas. On peut le garder en prison. On peut l'emprisonner et garder en prison parce que on n'a pas où l'envoyer. C'est partout où l'asthme, c'est très répandu. Quand j'ai dit que quelqu'un qui s'est déjà marié, on le lapide jusqu'à la mort, c'est pas la peine que, c'est-à-dire, c'est pas, c'est obligé qu'il soit maintenant marié, il a une femme. Non. Il s'est déjà marié une fois dans sa vie, ça suffit. Même si sa femme est morte, même si elle est divorcée, yani, l'essentiel c'est que il s'est déjà marié dans sa vie. Celui-là, on le lapide. Et celui qui ne s'est jamais marié, celui-là, comme j'ai dit, on le fouette, mais ah. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc ça, il a dit, c'est un chor. Ça, c'est un mal ou là, pas un mal. C'est un grand mal pour celui qui a fait la fornication. C'est un grand mal. On va le tuer. On va dire, on va le tuer. On va fouetter. C'est un grand mal. Lakinnahu khayrun min wajhin akhar. Mais c'est un bien et c'est un grand bien d'un autre côté. Le revers de la médaille. De l'autre côté, c'est un grand bien. Pourquoi? Awalan, li'annahu yakunu kaffaratan lahu. Premièrement, parce que ça sera pour lui une kafara. Qu'est-ce que ça veut dire une kafara? Quand il a fait la fornication, et on l'a lapidé, s'il était marié et fouetté, s'il était célibataire, c'est comme s'il venait maintenant de naître. Ça veut dire kafara, ça veut dire c'est comme s'il n'avait jamais fait la zina. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'avait pas fait la fornication. Donc c'est quelque chose de très bien, c'est quelque chose de merveilleux. C'est pour ça que il est cité dans un hadith. Sahih de Bukhari ou Muslim, il y a un long hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé aux compagnons, il a dit, bay'ouni, bay'ouni, yani, faites-moi la bay'a, l'allégeance hadith, ala an la tushriku billah shay'an, que vous n'allez pas associer avec Allah, wa la tasriqu, vous n'allez pas voner, wa la taznu, vous n'allez pas faire la zina, wa la taqtulu awladakum, vous n'allez pas tuer vos enfants, etc. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà le témoin, il a dit, celui qui, quand il a fait la béa, il a fait le pacte avec moi, il n'a pas transgressé, il n'a pas transgressé, il a obéi, celui-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui donner les hasanat et l'ajr. Mais quiconque a fait quelque chose de ce dont je viens de citer, il a tué, il a fait la zina, il a volé, etc. Il a été puni ici dans ce monde, c'est-à-dire on l'a lapidé, on lui a coupé la main, il a été puni. Alhamdulillah, c'est une kaffara pour lui. Et quiconque a fait une chose de ces choses aussi, a tué, a volé, a fait la zina, a bu de l'alcool. Ensuite, Allah Azzawajal a caché sur lui, yani, il n'a pas. Lui, il n'a parlé à personne. Il a fait le repentir entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, sans aller dire au gouverneur, j'ai fait ceci, cela. Parce que si tu vas dire au gouverneur, j'ai bu ou là, j'ai volé ou là, khlas, il doit faire ce que Allah a dit. Mais si tu fais le repentir entre toi et Allah, et tu ne le dis à personne, ça dit le hadith, il a dit, fahuwa ilallah. Donc, amruhu ilallah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui verra. Insha'a afa anhu, le jour du jugement dernier, si Allah Azza wa Jalla veut lui pardonner, il lui pardonne, wa insha'a aqabahu. Et s'il veut, il veut le punir, Allah Azza wa Jalla, la yus'al amma yaf'al. Personne ne dira à Allah Azza wa Jalla pourquoi tu l'as puni ou là, pourquoi tu as fait cela, ou bien lui dira pourquoi tu lui as pardonné. Donc, il y a une petite conclusion, que quand quelqu'un fait une grande faute, s'il veut, yani, il veut, yani, demain, gagner, lorsqu'il rencontre Allah Azzawajal, qu'il ne parle pas surtout aux gens. Maintenant, s'il parle aux gens, il parle par exemple dans le sens qu'il voudrait savoir comment faire. Il parle à un alim, il lui dit comment je fais. J'ai fait la zina ou j'ai bu de l'alcool, montrez-moi comment je fais. Mais, s'il commence à dire aux gens, il y en a même qui se vantent. Et tu sais pas toi, moi chaque samedi je bois 2 litres d'alcool. Moi chaque dimanche je dors avec des filles, je ne sais pas quoi. Celui-là, il se vante. Celui-là, Allah Azza wa Jal, c'est très grave pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans un autre hadith sahih, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à tous les gens, illa al-mujahirin, sauf ceux qui disent comme ça devant tout le monde. Ceux qui disent, yani, qui font sortir les secrets, et qui disent comme ça les grands péchés devant tout le monde, moi j'ai fait, ceux-là, Allah Azza wa Jalla ne leur pardonnera pas. Parce que s'il leur pardonne, alors beaucoup de gens diront, yom qiyama, ya Allah, pourquoi celui-là tu l'as pardonné, moi tu ne m'as pas pardonné. Et puis, le fait de le dire comme ça devant les gens, c'est déjà un autre péché. Au lieu d'avoir honte d'Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu de regretter, au lieu de pleurer, au lieu de faire l'aumône, au lieu de faire jeûner des jours et des jours, faire la prière la nuit, pour que Allah Azza wa Jalla te pardonne, voilà que celui-là, il se vante devant les gens. Moi, je fais ceci, je fais cela. Ça veut dire, j'ai pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yubarizuhu bil ma'asi, ulayyadu billah. Ensuite, il a dit, wa min khayrihi. Donc ça, c'est quoi? C'est un grand, comme je viens de dire, c'est un grand bien pour le zani. C'est un grand bien pour celui qui a fait la fornication, d'être quoi? D'être lapidé ou d'être fouetté. D'être lapidé ou d'être fouetté. Il a dit, wa min khayrihi innahu rad'un li ghayrihi wa nakalun ghayrihi. Ensuite, c'est même bien pour lui. D'un autre côté, c'est quoi? C'est que maintenant, il a peur. Maintenant, on l'a fouetté la première fois. Maintenant, il ne fera jamais une deuxième fois parce qu'il a peur d'être fouetté une deuxième fois. Et quand on le fouette, ou là, on le lapide devant les gens. Il faut que les gens soient témoins. Et là, il dit, tbahdila, devant les gens. Ensuite, il a, son dos qui est, tout bleu comme ça d'avoir été frappé. Donc, c'est pas une chose facile. Donc, c'est un bien pour lui. Pourquoi? Parce qu'il va avoir peur. S'il va avoir peur, il ne va plus refaire. Troisièmement, c'est un bien aussi. Pourquoi? C'est un bien pour les autres. Maintenant qu'on sait que celui qui fait la fornication, lui fait comme ça, il risque de mourir, personne n'a plus, yani, ne peut faire cela. Non, c'est très difficile. Mais quand tu sais que ce n'est pas interdit, ou là tu sais que tu vas rester 2 ou 3 mois en prison, tu dis, ah, c'est pas grave. Maximum, allez, tout le monde est en prison. Quand on me prenne en prison, là. Non. Pourquoi? Parce que tu sais que ce n'est pas grave. C'est pour ça que l'islam, yani les gens qui disent l'islam c'est de la barbarie, de la barbarie. Il n'y a pas plus barbare que vous. Vous qui dites ça. Il n'y a pas plus barbare que vous. Hein, vous parlez de, yani, le hanan, ou vous parlez des droits, les animaux, etc. Il n'y a pas plus barbare que vous. Vous apportez des chiens et vous les laissez se battre entre eux. Et les gens en train de regarder, en train d'applaudir le chien qui mord un chien, qui lui fait sortir ses yeux, il le laisse comme ça, yani, le chien, le sang qui coule de partout, et les gens en train d'applaudir, et de, yani, le qimar, jouer avec l'argent, et, yani, Allah Azza wa Jalla, un qu'on fasse comme ça d'un chien, un qu'on fasse, et ils parlent, ils disent, on connaît les droits des animaux, vous connaissez rien. Nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'une femme, est entrée à Jahannam, est entrée en enfer à cause d'un chat. Elle ne lui a pas donné à manger, elle ne l'a pas laissé sortir, elle ne l'a pas lâché. Tu ne peux pas donner à manger à un chien, à un chat, à un oiseau, ne le garde pas à la maison. Laisse-le errer. Il mange dans la rue, il mange dans la poubelle. Cette femme va rentrer en enfer à cause d'un chat. Pourquoi? Elle ne l'a pas laissé errer, elle l'a laissé à la maison, elle ne lui a pas donné à manger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'une femme, et dans un autre hadith, c'est un homme, et les deux hadiths sont sahih, il a dit une femme, et quelle femme? Une juive de Ben Israël, et quelle juive? Une femme de joie, une femme qui se vendait, et elle rentrera au paradis parce qu'elle a donné un chien à boire. Elle a trouvé un chien dans la rue, il mourait de soif, il léchait la boue, elle lui a donné à boire. Le prophète a dit, « Shakar Allahu laha, Allah Azza wa Jalla remercie, il lui a dit, yani, tu rentreras au paradis pour un chien. » Voilà, nous en chien, on dit sale chien. Ce chien, tu peux rentrer au paradis à cause du chien. Et le chat, tu peux rentrer en enfer à cause du chat. Donc, il a dit, donc vous voyez que la zina, etc., c'est un char, c'est un mal, mais par rapport, mais ça peut et en y contenir beaucoup, beaucoup de bien, comme je viens de dire. Et d'ailleurs, le grand exemple, c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à Médine. 13 ans. Ça, 10 ans à Mecca et 13 ans à Médine. En 13 ans, imaginez, en 13 ans, 5 fois seulement, il y a eu la zina. En 13 ans, 5 fois seulement, il y a eu la zina. 5 ou 6 fois, c'est tout. Pourquoi? Parce que quand on sait qu'il y a lapidation et il y a fouet, personne n'ose le faire. Quand on sait que quiconque vole, il vole sans raison, bien sûr, il travaille, etc., et il vole, il vaut plus de rebaa dinar, un quart de dinar en or, on lui coupe la main. Personne ne touche à l'or, même s'il le trouve dans la rue, il a peur de le prendre. Il a peur qu'on lui dise pourquoi tu l'as pris. Il a dit non, je l'ai pris pour l'emmener au commissariat. On lui dit c'est pas vrai, tu veux le prendre, tu veux le voler. Mais il a peur, pourquoi il sait qu'il y a une main qui se coupe? Maintenant, quand les gens savent qu'il n'y a rien, ils savent qu'il va aller en prison, il va rester 1 an ou 2 ans. Ensuite, dans la prison elle-même, il y a la drogue, il y a la bière, il y a les hommes, l'homosexualité, il y a tout. Donc, il y a certains gens qui préfèrent la prison que rester dehors. Il y a certains gens qui disent, je vais faire cela pour aller en prison. J'en ai marre dehors. Non, il n'y a rien dehors. Cinq fois seulement, ou six, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça s'est passé, la zina. Vous connaissez l'histoire de Ma'iz. Ma'iz qui est venu, il a dit, j'ai fait la zina à Rasulallah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quatre fois, il lui a dit, peut-être tu as bu, peut-être tu n'es pas normal, peut-être ceci, peut-être cela. Ensuite, il l'a lapidé. Et la femme qui est venue enceinte, elle a dit à Rasulallah, j'ai fait la zina. Tu es enceinte, il lui a dit, donc reviens jusqu'à ce que tu accouches. Quand elle a accouché, elle a dit à Rasulallah, j'ai accouché. Il lui a dit, reviens jusqu'à ce que le bébé, yani, ne boit plus le lait, jusqu'à ce qu'il puisse manger. Elle est revenue avec le bébé, avec un morceau de pain dans sa main. Le bébé mangeait un morceau de pain. C'est comme si elle voulait lui dire, voilà, Rasulallah, maintenant, il n'a plus besoin de mon lait. Il l'a lapidé jusqu'à la mort. Ensuite, les deux juifs qui ont fait la zina, un juif avec une juive, ils sont venus au prophète salam, pour qu'il fasse ce que l'Azul a dit. Bien sûr, ils croyaient qu'ils n'allaient pas les lapider. Ils ont caché le verset qu'il y a dans la Torah. Ensuite, ils leur ont enlevé la main d'Abdullah ibn Salam. Ils ont vu que c'est écrit qu'il faut la zina. Même chez les juifs, c'est écrit dans leur livre que quiconque fait la zina, il faut être lapidé. Il les a lapidés les deux hadouks. Ensuite, le Ramidiya. Non, pardon, le Ramidiya, j'ai parlé d'elle. Ensuite, Sahibatul Asif. Sahibatul Asif, c'est une femme qui avait quelqu'un, yani, comment dire, un valet qui travaillait chez elle. Elle était mariée, bien sûr, et celui-là qui travaillait chez elle a fait avec elle la zina. Ensuite, celui-là, il a raconté à son père. Son père, il a cru que c'était facile. Il a envoyé 100 moutons. 100 moutons à l'époux de cette femme. Ensuite, le prophète, quand il a su, il a dit non. Et 100 moutons, ils te reviennent. Et ton fils, il a dit à son père, ton fils, on va le fouetter 100 coups de fouet. Et il doit sortir d'ici pendant 1 an, comme j'ai dit. 1 an, on le fait sortir de la ville où il a fait la zina. Ensuite, il a dit, il y a Ounais, et toi, pars chez la femme de cet homme, demande-lui si elle a fait la zina. Si elle reconnaît, tu la lapides. Regardez en islam. Ce valet, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai fait la zina avec X, la femme de celui-là. Mais, en islam, quand quelqu'un dit, j'ai fait la zina avec Y, ça veut pas dire que Y a fait la zina. Non, toi tu as dit avec une femme, premièrement, toi tu as commencé de l'enfouette, voilà, ça se coupe. Si ça se coupe, je sors et je reviens. Si ça se coupe, je sors et je reviens. Est-ce qu'il y a le son ou il n'y a pas? Parce que certains m'écrivent zéro. Non. Donc, en islam, quand quelqu'un dit j'ai fait la zina avec une femme, c'est lui qui a reconnu qu'il a fait la zina. Celui-là, on le lapide ou bien on le fouette. Mais la femme, on lui envoie seulement, on lui demande, est-ce que tu as fait la zina? Si elle dit oui, khalas, on la lapide, si elle est mariée, ou la enfouette, si elle n'est pas mariée. Si elle dit non, on lapide seulement l'homme. Donc, il lui a envoyé au nez, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a reconnu. Elle a dit, j'ai fait la zina, et on l'a lapidé. Ensuite, regardez, barakallahu fikoum, comment Ma'iz, il est venu au prophète, et lui dit, j'ai fait la zina. La femme, Ramidia, elle est venue au prophète, elle a dit, j'ai fait la zina. Ensuite, cette femme, la dernière, qui avait un valet, quand on lui a envoyé au nez, elle pouvait dire, non, j'ai pas fait. Qu'est-ce qu'il nous a dit cela? X a dit, c'est pas vrai, c'est un menteur. Et je ne le connais pas. Il ne m'a jamais touché. C'est impossible, je fasse ça avec un valet. C'est impossible. Pourtant, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit oui. Pourquoi? Parce que l'iman, quand il est dans le cœur, on sait que moi je préfère me purifier devant Allah subhanahu wa ta'ala et le rencontrer comme si je n'avais pas fait. Plutôt que d'aller dire non, je n'ai pas fait, personne ne sait bien sûr, mais entre moi et Allah, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais quand on a l'iman, regardez, ce sont tels radeaux qui sont partis au prophète Aslam pour lui dire, on a fait la zina, purifiez-nous. Bien que je vous ai dit que ce n'est pas obligatoire d'aller. Tu peux rester, aller seul et faire le repentir entre toi et Allah. Entre toi et Allah. Mais seulement quand tu fais cela. Des fois il accepte, des fois il n'accepte pas, bien sûr. Si le repentir est sincère, Allah l'accepte. S'il n'est pas sincère, il ne l'accepte pas. Mais quand on purifie, quand on fait quand on est lapidé ou la fouetté, ça veut dire quoi? Ça veut dire khlas, yani, bi'idhnillah azza wa jal, on est pur. Ensuite, il y a la femme, vers la cinquième ou la sixième. Il y a une femme qui est sortie une fois pour aller faire salat al-fajr, pour aller faire la prière salat al-fajr au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith il est dans le silsila sahiha de Cheikh Al-Albani. Ça fait au moins 25 ans que je l'ai lu, et je le dis à peu près. Quand elle est sortie pour faire la prière, il y a un homme qui s'est embusqué, je ne sais pas où, dans la rue. Ensuite, il a sauté sur elle, il l'a forcé, il a fait avec elle la zina. Il l'a forcé, il l'a fait avec elle. Ensuite, elle s'est levée, bien sûr, elle a commencé à crier, lui il s'est enfui. Il y avait des gens qui, lorsqu'ils ont entendu qu'elle criait, ils sont venus vers elle. Elle leur a montré à peu près d'où s'est sauvé l'akhar, l'homme hada. Ils ont couru dans la direction où s'est sauvé l'homme et ils l'ont attrapé. Ou du moins, ils ont attrapé un homme. Ensuite, ils l'ont pris au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam est assis maintenant avec certains compagnons. Ensuite, l'homme qu'ils ont attrapé et la femme. Ensuite, la femme a dit, le prophète alayhi wa sallam a dit, yani, qui t'a fait cela? Elle a dit, celui-là. Celui-là. Elle lui a montré l'homme qu'on venait d'attraper. Bien sûr, il faisait nuit, etc. On ne distinguait pas très bien. Elle a dit celui-là qu'on vient d'attraper. Le prophète lui a dit, yani, bon, puisque tu as fait cela, yani, tu as fait cela, il sait tu, puisque tu as fait cela, bon, maintenant, il faut nuqim hadd Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ou bien fouetter, ou bien lapider, d'après, s'il est célibataire ou marié. Ensuite, on s'est préparé pour lui faire le hadd hada, pour lui faire ce que Allah azza wa jal a demandé de faire. Quand on voulait le prendre pour le lapider ou bien le fouetter, alors que voilà que quelqu'un qui était assis avec eux dans le groupe a dit, Ya Rasulallah, laissez-le, ce n'est pas lui, c'est moi. Ya Rasulallah, laissez-le, ce n'est pas lui qui a fait cela, c'est moi. Subhanallah al-Azim, wa la hawla wa la quwwata illa billah al-Ali al-Azim. Ça veut dire que, comme ça, yani, les autres, quand ils ont couru, ils ont trouvé cette personne, peut-être cette personne a eu peur, elle a commencé à courir, alors ils ont cru que c'était cette personne, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont ramené. Ils l'ont ramené, ils ont dit c'est lui. Et le prophète, quand il lui a demandé, il s'est tué. Donc, on a voulu yani, faire le hadj sur lui. Il y a ici au moins deux bénéfices, ou là, deux avantages ou là, dans cette question. Ou la trois. Premièrement, yani, que les sahabiettes, les compagnons du prophète, des femmes, allaient souvent à la prière le matin, fajr, ou bien la nuit, l'Isha. Parce que la nuit, parce que la prière de l'Aïcha ou la prière du Fajr, il fait nuit. Et quand il fait nuit, la femme, yani, c'est dès qu'on roule là, on ne la voit pas bien. On ne peut pas bien la voir. C'est pour ça que la nuit, c'est mieux pour la femme d'aller à la mosquée. Ensuite, il y a autre chose. Lorsque les gens se sont apprêtés pour yani, lapider cette personne, ou bien, j'ai oublié s'il était célibataire, ou bien le fouetter. Khlas, il a allé le prendre. Cet homme, celui qui a dit à Rasulallah, c'est moi, qui l'a poussé à dire cela? Il aurait pu se taire et dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, ils n'ont pas su que c'est moi. Khlas, laissez cette personne yani, mourir à ma place. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Non, il ne fait pas. Pourquoi? C'est la sincérité. C'est la sincérité. C'est l'iman. Moi, je ne peux pas voir quelqu'un mourir à cause d'une chose qu'il n'a pas faite alors que c'est moi qui ai fait la faute. Je ne peux pas, c'est impossible. Si j'ai l'iman, il faut que je dise. Il faut que je dise, Ya Rasulallah, ne tuez pas cette personne. C'est moi qui ai fait la vie, tuez-moi. Comment, yani, une autre personne va être tuée à ma place? à mourir à ma place. Donc j'aurai deux grands péchés. La zina, plus quoi? Plus cette personne qui va mourir à ma place. Mais l'iman. L'iman qui va pousser. Et quand quelqu'un a l'iman, l'Azawajal l'a dit dans le Coran, que quand quelqu'un fait quelque chose en le visage d'Allah, l'iman, il lui fait toujours une solution. Il lui trouve toujours une solution. Et il a dit aussi, quiconque craint Allah, il lui fait une sortie. C'est un verset qui dit comme ça. Quelle était la sortie et l'issue de cette personne qui a dit, c'est moi, ya Rasulallah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a ni lapidé, ni fouetté. Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, a dit, voilà un délit que le gouverneur peut pardonner à quelqu'un, même s'il fait un grand péché, après qu'il l'ait su. J'ai dit que le gouverneur, s'il ne sait pas ce qui s'est passé, tu fais le repentir entre toi et Allah. Mais s'il le sait, si tu lui dis, j'ai fait ce sujet, il doit faire al-had. Mais ici, il ne l'a pas fait. Pourquoi? Il a dit parce que Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de qu'on fouette les gens ou là, qu'on les lapide. Tant qu'il y a la sincérité et tant qu'il y a le regret, celui-là est sincère, il a regretté. Est-ce que vous connaissez un délit qui montre la sincérité plus que de dire à quelqu'un, ne tuez pas cette personne, tuez-moi, c'est moi qui ai fait. Tout le monde aurait fait le contraire. Illa marahim arbi. Peut-être moi qui vous parle, je me serais tué. Je me serais dit, laisse cette personne, khlas, c'est pas de ma faute, c'est lui qui a parlé, khlas, laisse cette personne, moi, ils ont cru que c'est lui. Oh, mais la sincérité, c'est autre chose. La sincérité, l'ikhlas. L'ikhlas, c'est la base de toute chose. C'est la base de toute adoration. Ensuite, il y a autre chose. Il y a aussi un autre bénéfice, je viens de me rappeler maintenant. La femme, quand on l'a forcée à faire, elle n'a aucun péché. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la femme, toi je vais te faire quelque chose? Non, elle a été forcée. L'ikrah. Quand on est forcé, quand moi je suis en train, on me prend 4 ou 5 bon, on me prend. Ensuite, ils m'ouvrent la bouche et ils me font boire de l'alcool. Moi, je n'ai pas bu de l'alcool en fin de compte. Pourquoi? J'ai été forcé. Quand 5 ou 6 personnes prennent une femme et la forcent à faire la zima, elle a été forcée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a rien fait de mal. Elle n'a rien fait de mal, ni un a fait de péché. Et dans le hadith de Bukhari que j'ai cité une fois, les trois qui sont rentrés dans la caverne, et ils ont commencé à faire les doigts. Qu'a dit le deuxième? Il a dit, Allah, tu sais que j'avais une cousine que j'aimais beaucoup. Et un jour, elle est tombée dans une grande panne d'argent. Et elle m'a dit, prête-moi 1000 dinars en or. Je lui ai dit, je ne te donne que si tu me laisses faire la zina. Ensuite, elle n'a pas voulu, bien sûr. Elle a attendu, lorsqu'elle a su que khlas, elle allait mourir, elle a accepté. Mais quand même, elle a essayé. Elle a essayé qu'il ne fasse pas. Elle lui a dit, à la dernière minute, quand il s'est préparé, elle lui a dit, Taqillah. La tafoud al-khatam, illa bihaqe. Taqillah. Ne fais ça qu'en étant époux, pas en étant fournicateur. Taqillah, il a eu peur. Il a entendu, Taqillah, il a eu peur. Donc vous voyez que cette femme a été obligée de faire cela. Le prophète Hassan n'a pas dit pourquoi cette femme a fait cela. Pourquoi? Elle est dans la daroura. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Elle est dans la daroura. Et l'islam, qui sont de daroura, il est bien sûr très large. Ensuite, il y a aussi un autre bénéfice ici dans le Qissa. C'est quoi? C'est que lorsque on a dit à l'homme, tu as fait cela. Normalement, qu'est-ce qu'il devait dire? Il devait dire, non, je n'ai pas fait cela. Non, je n'ai pas fait cela. Donc les ulama ont dit, si jamais tu ne fais pas quelque chose, on te comprend devant des gens ou là et on t'accuse. On te dit, tu as fait cela. Si tu te tais, ensuite, il y a un châtiment ou là, il y a je ne sais pas quoi, c'est ta faute. Pourquoi? Parce que tu n'as pas parlé. Non. C'est l'endroit où il faut parler. Dis, ce n'est pas moi, il y a Rasulallah qui a fait cela. Les gens se sont trompés, ils m'ont attrapé. Moi, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Mais si tu te tais, ensuite il se passe quelque chose, c'est toi qui es en cours. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas défendu. L'ulama, l'islam dit, tu te défends quand tu as l'occasion. Il faut parler. Prenons l'exemple de Youssef alayhi salam. Lorsque Zuleika a voulu le séduire, elle lui a demandé de faire le haram, elle s'est fait belle, elle s'est maquillée. Enfin, elle a fait toutes les causes, toutes les raisons pour arriver à son but. Ensuite, lui, quand il a su là, qu'elle voulait vraiment et qu'il n'y avait plus d'issue, elle a fermé toutes les portes, etc. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à courir vers la porte. Et elle a couru aussi derrière lui et elle lui a déchiré sa tunique par derrière. Comme a dit Allah Azza wa Jal, ils ont couru vers la porte. Elle lui a déchiré ses vêtements par derrière, tellement elle courait aussi derrière lui, et lui il ne voulait pas. Il a dit, ils trouvèrent leur mari devant, pardon, les deux trouvèrent, ils trouvèrent l'homme, l'époux de Zuleha, qui était devant la porte, parce qu'il voulait rentrer. Alors qu'est-ce qu'elle a dit directement? Elle a dit, ma jaza'u man arada bi ahlika su'an. Regardez la femme, combien qu'elle est rusée et combien elles ont de ruses. Dès qu'elle a vu son mari, elle a dit, subhanallah, quelle est la punition de quiconque elle parle à son mari? Quelle est la punition de quelqu'un qui veut faire du mal à ta femme? Elle n'a même pas dit quelle est la punition de quelqu'un qui me fait du mal. Non, qui fait du mal à qui? À ta famille, toi, ta famille, on a voulu me faire du mal. Cette personne a voulu faire du mal. Quelle serait sa punition? Sinon, la prison ou bien un châtiment douloureux. Youssef, quand elle a dit cela, qu'est-ce qu'il a dit directement? Qu'est-ce qu'il a dit, Youssef? Il a dit, Ala, hiya rawadatni an nafsi. Il a dit, c'est elle qui a voulu me séduire. Voyez, Youssef, c'est pas tu. Il a laissé parler, ensuite il a parlé, il a dit, hiya rawadatni an nafsi. C'est elle qui a voulu me séduire. C'est elle qui m'a exhorté à faire le haram. C'est elle qui a voulu que je fasse la zina, c'est pas moi. Donc, regardez comment Youssef alayhi salam s'est défendu. Donc, on n'a pas le droit de se taire. Ensuite, on dit, Allah ghalib, Allah ghalib, c'est muqaddar, c'est Allah qui a écrit cela. Bah, Azzawajal t'a dit, parle, défends-toi. Si tu n'arrives pas, tu ne sais pas parler, ou là, c'est autre chose. Mais il faut se défendre, pardon. Ensuite, il a dit, Amma bin nisba lil umur al-kawniya, fa hunaka shay'un yakunu sharran bi'tibarihi maqduran. En ce qui concerne les choses qui ont été créées, qui viennent, que l'Azul a créées, qui sont dans l'univers. On parle par exemple de la maladie. Par exemple, Insan et Damarida, la personne, quand elle tombe malade, elle chèque, elle n'a le marada, charoun, binisbaïde. C'est sûr que la maladie, c'est un mal. C'est un mal, c'est pas quelque chose de bien par rapport à celui qui est tombé malade. La maladie, c'est pas quelque chose de bien par rapport à quelqu'un qui est tombé malade. Lakin, fihi khayrun fil waqi'. Fihi khayrun law fil waqi'. Mais dans le réel, dans le concret, la maladie en elle-même, qui est un mal, comporte beaucoup de bien. Par exemple, quoi? Min had al khayr, de ce bien, par exemple, takfir al dounoub. Naam. La maladie annule les dounoub, annule les péchés. La maladie annule les péchés. قد يكون الإنسان عليه ذنوب ما كفرها الاستغفار والتوبة. Des fois, la personne a certains péchés que même lorsque tu dis استغفر الله ou là tu fais le repentir, ça n'annule pas. Pourquoi? Il y a un mané. Des fois, il y a un empêchement. Soit tu fais des doigts, mais ça n'est pas exaucé. Pourquoi? Il y a un empêchement. Tu manges le halal, tu manges le haram, tu t'habilles de haram, tu bois le haram. L'argent est haram. Donc, si le doigt ou l'un fait pas, c'est la même chose. Donc, des fois, il y a des empêchements. Ou bien, un autre empêchement, par exemple, Adam Sidr. On n'est pas sincère. On n'est pas sincère. Notre cœur n'est pas avec là quand on fait le doigt. On fait comme ça. Ça ne sort pas du plus profond du cœur. On n'est pas sincère. Dans ce cas-là, Azzawajal ne va pas nous exaucer. Et on restera plein de dhunoub, plein de péchés. Mais il y a la maladie, alhamdoulilah, qui va annuler ces péchés. Donc, sans la maladie, sans cette maladie, ces péchés exactement n'auraient pas été annulés. Donc, tu vois la maladie, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ada, Fadl. Et puis, j'ajouterai autre chose qui n'est pas dans le livre. La maladie elle-même, pour le croyant, la maladie elle-même, c'est un délil. C'est un délil que Allah Azza wa Jal lui veut du bien. Parce que Allah Azza wa Jal, il a habba qawman, ibtalahum. Wa man yurid bihi Allahu khayran, yursad minhu. Wa yursad minhu, aussi, c'est le Bukhari. Il a dit, le prophète A.S., quand Allah Azza wa Jal donne quelqu'un du bien, il lui donne ba'd al-masayib, quelques malheurs. Et la maladie, c'est une malheur. Comme la mort, c'est un malheur. Comme la mort, c'est aussi un grand malheur. Il a dit, wa min khayrihi, et la maladie, qu'est-ce qu'elle comporte aussi de bien? Qu'est-ce qu'elle comporte aussi de bien? أن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه إلا بالصحة. نعم. La maladie, quand Allah Azza wa Jalla te la donne, alors là, tu sais qu'est-ce qu'en dire la santé. Tant qu'il n'y a pas de maladie, on ne donne pas de valeur à la santé. Tu trouves le bonhomme, masha'Allah, comme un cheval. Masha'Allah, il est fort comme un cheval. Mais jamais il ne dit Alhamdulillah pour la santé. Elle. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore tombé malade. Il ne sait pas ce que c'est. Yani, la valeur de quoi? De la santé. Il ne connaît pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est jamais encore tombé malade. C'est pour ça qu'ils disent que nous, qui sommes en bonne santé, on connaît la valeur de la santé que lorsqu'on tombe malade. C'est pour ça qu'ils ont toujours dit la bonne santé, c'est une couronne, tej, c'est une couronne sur la tête de quoi? Sur la tête de ceux qui ont bonne santé. Non, seha, tejun, la santé, c'est une couronne, alors au os, al-asiha, qui est sur la tête de ceux qui ont bonne santé, la ya'rifuha illa al-marra, mais que ne connaissent que les malades. Sauf le malade, c'est qu'est-ce que ça veut dire et quelle est la valeur de la santé. Nous, on a deux mains, peut-être personne dans sa vie, il s'est dit, ya Allah, je te remercie beaucoup pour les deux mains que tu m'as données. Cette personne ne dit cela. Mais si l'aqdar Allah, il fait un accident, on lui rend toutes les deux mains, ce jour-là, il saura que ça veut dire il avait deux mains. Ce jour-là, il saura que ça veut dire avoir deux mains. Si seulement on lui rendait une seule main, il saura que ça veut dire perdre une seule main. Perdre une main. Non. Nous, ça ne nous paraît à rien. C'est normal qu'on ait deux mains, qu'on ait deux pieds, qu'on ait deux yeux. C'est très normal. Mais الشيطان لا يدعك تستشعر نعم الله عز وجل الشيطان انتخاب il voudrait pas que tu saches que tu es dans de grandes ni'ma il voudrait pas que tu fasses il voudrait te faire oublier et te dire que ça c'est normal tout ça c'est normal tu as des yeux qui n'a pas les yeux tu as les mains il voudrait pas que tu dises ya Allah moi je te remercie beaucoup pour les yeux il y en a qui n'en ont pas il y a des aveugles il y en a qui ont un seul œil il y en a qui ont un seul et cet œil est malade. Il y en a qui n'ont pas les pieds. Il y en a qui n'ont pas les mains. Il y en a qui n'ont pas les cheveux. Il y en a... Et comme ça. Il y en a qui ont le cancer. Il y en a qui ont le sida maintenant. Il y en a à qui on va ouvrir le ventre pour une opération dans le côlon. Il y en a. Et toi, tu es, masha'Allah, comme un cheval. Masha'Allah, Alek. Tu es comme un cheval. Jamais tu dis, alhamdoulilah. Tu attends qu'il soit trop tard pour lever les doigts et dire, ya Rabbi, aide-moi, ya Rabbi, je suis malade. Ya Rabbi, inshallah, si tu me guéris, je vais égorger deux moutons. Entre parenthèses, si tu me guéris pas, je n'égorge pas. Ya Rabbi, si tu me guéris, je vais égorger. Ya. Tu m'égorges pas, tu me guéris pas, j'égorge pas. Astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ta'arraf, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ta'arraf ila Allah firraha, ya'arifka fi shida. Kouni Allah azza wa jal, firraha, quand tu es maintenant à l'aise. Alors Allah azza wa jal te connaîtra, quand tu es dans les machias, il y a des problèmes et des pétrins. C'est là-bas que l'Azul te connaîtra, ça veut dire qu'il t'aidera, il sera avec toi. Mais à condition que tu le connaisses, quand tu es bien, c'est pas quand tu es dans les problèmes. Quand on est dans le problème, le kafir, il lève ses mains, il dit, oh Dieu, aidez-moi, oh Dieu, faites-moi ceci. Non, le kafir, il va dire cela. Mais le vrai croyant, c'est celui qui est toujours en relation avec Allah. كما قال الشيخ ابن تيمية المؤمن دائما بين نعمة يتقلب بين نعمة لابد أن يشكر الله عليها أو نعمة لابد أن يصبر عليها le croyant se renverse toujours ou bien entre une ni'ma envers laquelle il doit remercier Allah ou bien une ni'ma un malheur etc envers lequel il doit patienter نعم et comme a dit le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit انظروا إلى من أسفل منكم انظروا إلى من أسفل منكم ذلك أحرى أن لا يزدر بكم. Regardez à ceux qui sont moins que vous. Ne regardez pas à ceux qui sont plus élevés que vous. ذلك أحرى أن لا تزدروا نعم الله. Pour que vous connaissiez la valeur de la ni'ma que vous avez. Si tu veux voir et sentir que tu es dans une vraie ni'ma, tu veux que tu sentes. Regarde celui qui est moins que toi. Regarde le malade. Regarde le pauvre. Regarde celui qui n'a pas de voiture si tu as une voiture. Regarde celui qui n'a pas de maison si tu as une maison. Regarde celui qui n'a pas de mari, si tu t'es marié. Regarde celui qui ne travaille pas, si tu as travaillé. Regarde si tu es en bonne santé, s'il y a quelqu'un qui est malade. Regarde si tu as tes parents, si l'autre n'a pas de parents. Toujours regarde, yani, celui qui ne regarde pas plus haut que toi. Si tu regardes les riches et les milliardaires, tu vas être toujours malheureux. Tu vas dire toujours, yani, je suis pauvre et je n'ai rien. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith sahih, il est chez Cheikh Al-Albani, ce hadith va montrer quels sont les critères du bonheur. Moi, comment je sais si je suis heureux, je suis pas heureux? Comment je sais? Si il n'y avait pas de critères en islam, comment vais-je savoir? C'est quoi les critères? Il faut que quelqu'un va nous dire, il faut que tu aies 50 millions d'euros pour être heureux. L'autre, il va me dire, il faut que tu possèdes les 10 dernières voitures, les plus belles pour que tu sois heureux. L'autre, il me dit, il faut que tu aies un grand palais avec deux piscines à l'intérieur pour que tu sois heureux. Il n'y a pas de critères, chacun dit ce qu'il veut. Le prophète salam, a dit dans un hadith sahih, Men asbaha aminan fi sirbi. Quiconque de vous, yani, le matin où là, il se trouve, yani, il n'a pas de problème dans sa maison. Pas de problème dans sa maison, il est bien, il est calme, il n'y a pas de problème. J'ai une petite chambre, une petite salle de bain, une petite cuisine. Masha'Allah Aliya. Il y en a qui n'ont rien, il y en a qui passent la nuit, je ne sais pas où, sous le pont. Alhamdoulilah, j'ai une petite chambre. Alors je ne parle pas de ceux qui ont trois chambres là. Une petite chambre, une cuisine, Alhamdoulilah. Men asbaha aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadihi. Il n'a pas de problème dans son corps, il n'est pas malade. Alhamdoulilah. Je n'ai ni le sida, ni le cancer, ni le diabète, ni les grandes maladies. Alhamdulillah. Mu'afan fi jasadihi. Yamliku quta yawmih. Il a de quoi se nourrir un jour. Il a dit le prophète alayhi salam, فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِرِهَا. Il a dit, c'est comme si Allah lui a donné toute la vie, pardon, tout ce monde. C'est comme si tout ce monde, on te l'avait joint, on te l'avait mis devant ta porte, et on te l'a donné. Seulement, yani, que tu sois bien dans ta maison, qu'il n'y ait pas de problème dans ton corps, et que tu as de quoi manger une journée. Nous, on cache l'argent pour manger 10 ou 20 ans. On cache l'argent de quoi manger 10 ans. Le hadith dit, si tu peux manger seulement ta journée, avant de dormir, lève les bras et dis, Alhamdoulilah, Rani, Masha'Allah, je suis l'un des plus heureux. Naam, en fait, quand toi, tu voudrais faire de cette vie, yani, l'éternel, une éternité, où là, tu sais que c'est un pont qu'on traverse pour aller au-delà. Si tu as la certitude, c'est un pont qu'on traverse, donc, si on te donne la moindre des choses, tu acceptes dans cette vie. Mais le kuffar, les kuffar, qui n'attestent pas cela et qui disent il n'y a pas l'au-delà, il n'y a pas le paradis qui nous attend, etc. Ceux-là veulent profiter au maximum et c'est logique pour eux. C'est logique. Ils doivent profiter du matin au soir parce qu'il n'y a rien là-bas qui l'attend. Toi, tu as le paradis qui t'attend. Tu as regardé Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as les arbres et les jardins, les fruits, les chevaux et les femmes et tout ce que tu veux et le vin et j'en passe et j'en passe. Qui t'attend? C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit. Il a dit, la vie, le bas monde, c'est quoi? C'est une prison. C'est la prison du mu'min. C'est le paradis du kafir. Tu ne peux pas prendre les deux, choisir. Tu veux le paradis ici ou le paradis là-bas? Choisis, il n'y a pas. Ou bien le paradis là-bas, tu es ici en prison. Ou bien tu veux le paradis ici, tu seras demain en prison là-bas. Wala hawla wala quwwata illa billah. Al-Ali al-Azim. Ensuite, il y a des choses beaucoup très intéressantes qui m'attendent. Bon, allez, je termine parce que il reste seulement deux ou trois jours avant de rentrer dans un autre chapitre. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-adhim. Ensuite, naam, quand il parlait de char, il parle aussi de mal. Je voudrais que vous sachiez que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah a dit le char, le mal, on ne peut le dire. Que, yani, c'est difficile à dire en français, mais sous trois points de vue. Ou bien, du point de vue généralité, quand on dit, par exemple, dans le verset là, a dit, Allahu khaliqu kulli shay. Allahu, Allahu khaliqu, créateur de toutes choses. Khaliqu kulli shay. le mal rentre à l'intérieur de toute chose. Donc, Allahu khaliqu kulli shay, entre parenthèses, il a créé aussi le mal, parce qu'il rentre à l'intérieur de toute chose. Puisqu'il a créé toute chose, il a créé aussi le mal. Ça, c'est le premier. Deuxièmement, ou bien, quand tu parles du mal, tu dis, ce sont les créatures qui le font. Là, je l'ai seulement créé, mais ce sont les créatures qui le font. Comme tu dis dans le Coran, je me réfugie auprès de Rabbi subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, Rabbi al-Falaq, min sharri ma khalaq. Min sharri ma khalaq. Je me réfugie auprès d'Allah du mal de ses créatures. Min sharri ma khalaq. Naam. C'est pas du mal d'Allah. Le mal de ma khalaq. Le mal des créatures. Ou bien, yani, il faut pas citer le sujet. Il faut pas citer le sujet. Yani, on dit pas Allah fait. Astaghfirullah. Allah ne fait pas le mal. Regardez quand les djinns, qu'est-ce qu'ils ont dit? وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. وَأَنَّا لَا نَدْرِي, on ne sait pas. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ, nous ne savons pas si du mal a été voulu aux habitants de la terre. أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Ou bien si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. Quand ils ont parlé du mal, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit le sujet. Ils n'ont pas dit, et nous ne savons pas si Allah a voulu du mal. Non, ils ont dit, nous ne savons pas si le mal a été voulu. Urida a été voulu. Ils n'ont pas dit, Allahu arad, Allah a voulu. Non, il a été voulu. On ne dit pas, le chat à manger la souris. Là, la souris a été mangée. Je ne veux pas dire le chat. La même chose, je ne dis pas c'est Allah. Là, je me tais. Je dis, un mal a été voulu. Je ne dis pas que Allah a voulu. A été voulu. Elle dit, djinn, regardez les djinns, qu'est-ce qu'ils ont dit? La hawla wa la quwwata illa billah. Et quand c'est quelque chose de bien, ils ont dit, ou bien si leur Seigneur, am arada bihim rabbuhum, rachada, c'est quelque chose de bien, veut les mettre sur les droits chemins. Toujours, quand c'est quelque chose de bien, on dit, allez d'Allah. Al-khayru biyadik. Quand c'est quelque chose de mal, on ne dit pas allez d'Allah. On dit ça, Allah l'a créé, mais il l'a créé plein de chikmah et de sagesse. Ce sont les gens et les créatures et les oiseaux et les singes qui font le mal. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Je donne beaucoup d'exemples. Là, lorsqu'il a dit dans le Coran, sirat al-ladina an'amta alayhim, fatiha. Il a dit sirat al-ladina an'amta alayhim. Le chemin de ceux que tu as comblé de faveur. An'amta, anta ya Allah, c'est toi qui les as comblés. Il a dit le sujet, c'est toi. An'amta, anta ya Allah, tu les as comblés. Ensuite, il a dit, Ghayr al-maghdoubi alayhim, wala dallin. Les égarés, il n'a pas dit, ya Allah, c'est toi qui les as égarés. Il a dit non, les égarés. Yani, il n'a pas voulu dire le sujet. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas de bien. Seulement le bien, on dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait. Lorsqu'Ibrahim alayhi salam, il a dit, الذي خلقني فهو يهديني الذي خلقني فهو يهديني, celui qui m'a créé, c'est lui qui me guide, parce que c'est quelque chose de bien. C'est pour ça qu'il dit c'est lui, il montre. والذي هو يطعمني ويسقيني, et c'est lui qui me nourrit et c'est lui qui me donne à boire. Ensuite il a dit واذا مرضت فهو يشفيني, il n'a pas dit et Allah me fait tomber malade, il a dit et quand je suis malade. Vous voyez, il a dit le mal c'est moi, la maladie c'est moi qui suis malade. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Pourquoi je finis parce que c'est quelque chose de bien, toujours on l'attache à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou il a dit, yumituni tu m'aïkouini. Ensuite, c'est lui qui me fait mourir. Il fait mourir, pourquoi? C'est pas quelque chose de bien, c'est très bien, blax. Il m'a dit, tu m'aïkouini parce qu'il va me faire revivre pour rentrer au paradis, pour le voir, pour profiter, pour avoir tout là-bas. Donc même s'il me fait mourir, c'est quelque chose de bien pour le croyant. Parce que c'est pour que j'aille au grand paradis qui m'attend. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي. C'est lui qui pardonne. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي. Et c'est lui que je souhaite, ou là je convoite le pardon de mes fautes. Il a dit, وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي. خَطِئَتِي. Ma faute. C'est pas la faute d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma faute, c'est quelque chose de pas bien. Je l'ajoute pas là à moi, ma faute, khati ati yomuddin. Même vous lisez, quand vous lisez Sourate al-Kahf, Vous trouvez dans l'histoire qui s'est passée entre Moussa alayhi salam et le Khaver. On dit le Khaver, on dit le Khidr. On ne dit pas le Khodayr, comme certains disent le Khodayr. On dit le Khidr, on dit le Khaver. Dans son histoire, vous savez qu'ils sont montés dans une barque, ensuite il l'a troué. Il a troué le Khaver. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il y avait un roi qui prenait ça de force. Donc il l'a troué. C'est pas parce qu'il veut trouver la barque, mais il l'a troué pour le bien. Pour le bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Fa'aratu an a'ibaha. Fa'aratu an a'ibaha. Je voulais lui faire un trou. Je voulais la rendre défectueuse, la barque. Donc, quand c'est un défaut là, c'est à nous. Il a dit, a'ibaha, c'est moi qui lui fais la faute. C'est pas là. C'est moi qui lui fais un défaut à la barque. Et quand il a parlé du roulem, du garçon, le garçon qui avait son père et mère croyants, qu'est-ce qu'il a dit? Amma al-roulem, fakana abawahu mu'minin. Quant au garçon, son père et sa mère étaient des croyants. Fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Nous avons craint qu'il leur imposa la rébellion et la mécréance. Fa'aradna, on a voulu, an yubdilahuma rabbuhuma khayran minhu zakatan wa aqraba rahma. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accorde en échange un autre garçon plus pur et plus affectueux. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont quelque chose de bien, donc on dit c'est Allah qui va leur accorder un garçon qui est mieux, un garçon qui est bien, etc. Mais question de aïb, question de trouer la barque, il a dit c'est moi qui ai trouvé la barque. Mais même quand il a parlé du mur qui allait tomber, du mur, il a dit wa amma al-jidar fa kana li ghulamayn yatimayn fi al-madina. Quant au mur, il appartenait à deux garçons orphelins de la ville. Il y avait dessus, au-dessus du mur, au-dessous, un trésor à eux. Et leur père était un homme vertueux. Ton Seigneur a voulu que les deux ados atteignent la puberté et leur maturité, afin qu'ils extraient eux-mêmes leur trésor. Par une miséricorde, ton Seigneur. Regardez ici. Yani, toutes les belles choses, elles ont été ajoutées à Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ara darbukan yibluha shuddahum. Allah a voulu qu'ils atteignent leur maturité, wa yistakhrija kinzahum, et ils fassent sortir le trésor qui est caché. Rahmatan min rabbik. Rahmatan min rabbik. Et quand Allah azza wa jalla ici, il a dit, il parlait des deux garçons, ensuite il a dit, leur père était un homme vertueux. Qu'est-ce à voir dans le verset? Naam, c'est dire que quand on a un père qui est bien, on a des parents qui étaient bien, Allah azza wa jalla va nous préserver à cause de la piété de nos parents. La hawla wa la quwwata illa billah. Naam. Il a dit, leur père était vertueux, un homme vertueux. Donc, l'Azul a voulu que ce trésor soit caché. C'est pour ça qu'il a demandé à Moussa de bâtir le mur afin qu'il ne tombe pas. Car s'il tombe, ils vont découvrir le trésor. Tout ça à cause de la piété de leur père. Regardez, quand on a des parents qui sont pieux, bi'idhnillah, les enfants vont être protégés. Et quand l'Azul a dit dans le Coran, walakin Allah حبب إليكم الإيمان. Mais Allah Azza wa Jalla vous a fait aimer la foi. Il l'a embelli dans vos cœurs. وزينه في قلوبكم. Embelli dans vos cœurs. Il a embelli l'Iman. C'est quelque chose, l'embellissement, c'est quelque chose de bien. Il parle de l'Iman. C'est pour ça qu'il a dit, Allah Azza wa Jalla, il a dit, mais Allah vous a fait la foi, vous a fait aimer la foi et l'a embelli. Parce que c'est quelque chose de bien. Mais quand il a dit ailleurs, il a dit, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. Il a dit, il a été embelli et enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. من النساء, les femmes, والبنين, les enfants, والقناطير المقنطرة من ذهب, les quintaux, etc. d'or et d'argent, والخيل المسومة, les beaux-chevaux marqués, والأنعام, les bétails, والحرف, le champ, etc. Ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, c'est Allah qui a embelli, comme il a dit, il a embelli l'Iman. Non, c'est pas quelque chose de bien. Il a dit, il a enlevé le sujet. Il a été embelli. Qui a embelli? Je ne dis pas. Il a été embelli et enjolivé l'amour des femmes, des enfants, de l'argent, etc., etc. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. On se rencontre, inshallah ta'ala, ibn Azzawajal, dans 10 minutes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله, comme vous savez, il y a un nouveau règlement. Et donc, dans ce règlement, inshallah, maintenant, vous allez, pour les frères Posez vos questions directement aux frères qui ont l'admin, donc le A. Donc aujourd'hui, il y a Abraham 13 et il y a moi-même, Abou Ilyas. Et pour les sœurs, Inch'Allah, vous allez poser directement donc vos questions aux sœurs qui n'ont pas le point rouge. Inch'Allah, respectez ceci parce que ça évitera donc de faire des fitnas. Et donc, ça permettra donc d'avoir une meilleure ambiance. Et on travaillera dans le halal. Barakallahu fikoum. Afouane, est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous m'entendez parce que j'ai oublié de dire quelque chose? Abraham, elle fait saute. Est-ce que quelqu'un peut me dire si vous m'entendez? Ok. Les questions, dans un premier temps, il faut que ce soit des questions qui ont un rapport avec le dors. Donc, je compte sur vous, donc les personnes qui recueillent les questions. Faites un tri, donc spécialement des questions dans un premier temps du dors. Et dans un second temps, Inch'Allah, si le cher, il a du temps à nous accorder, donc il nous donnera son accord pour qu'on pose les autres questions. Voilà, donc j'espère que j'ai tout dit. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah, aujourd'hui, je sais pas où j'ai la tête. Bon, bref, est-ce qu'on m'entend? Abraham. Voilà, bismillah. Donc, excusez-moi, donc là, je m'adresse directement donc aux admins et aux sœurs qui n'ont pas le point rouge. Donc, Inch'Allah, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, donc, les questions, les sœurs, on va vous laisser poser les questions, donc une question chacune. Donc, vous voyez entre vous pour voir l'ordre de passage. Hein. Et dès que chaque sœur a posé une question, donc parmi les sœurs qui font partie de l'admin, Abraham et moi, on posera aussi une question. Et ainsi de suite, Inch'Allah, on fait un roulement comme ça. Voilà, Abraham, est-ce que c'est bon? J'ai tout dit. Mets-moi un si j'ai tout dit. Voilà, c'est bon, Inch'Allah. Bon, barakallahu fikoum. Et voilà, merci encore d'assister à ce cours, à ce dorus. J'espère que vous en faites part autour de vous. Et voilà ce que je voulais dire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. C'est ça? C'est bon, dites-moi, c'est... Cher, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous envoie des liens? C'est pour ça que j'ai bonifié la personne Abraham, parce qu'elle envoie des liens à tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Abraham, elle fait saute. Ok, Inch'Allah, là, il faut faire attention, parce qu'il y en a qui me contactent en PV pour me dire qu'il y a des liens qui vous sont donnés. A'oudou billah, c'est un certain Samir57-2. Samir 57 underscore 2, il donne des liens yani, contre Dawa Salafia. Donc il ne faut pas accepter, Inch'Allah. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fais saut. Fais saut. Fais saut. Non. Fais. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salam ala ashraf al mursalin. J'ai quelques petites remarques. Awalan. Beaucoup de frères et de sœurs ne savent pas que il y a un programme très simple avec des Windows. Maintenant, j'ai pas le temps de le donner. Inch'Allah, ta'ala, peut-être qu'Abou Tarbe va vous le donner ou l'Ibrahim. Il y a quelque chose, il y a deux phrases seulement à écrire sur le Windows. Et ensuite, dans le Pavtokada, on n'a jamais de photos de photos à docta pourriture. Seulement, vous écrivez deux phrases dans le Windows et vous n'aurez plus jamais de publicité sur le Paltok. Non, moi, je l'ai, Ada. Je veux le donner aux gens. Je veux le donner aux gens. Plusieurs personnes ne savent pas. Ils sont obligés d'assister au cours avec en voyant en bas, des choses, a'oudou billah. Ensuite, autre chose. Pour ceux qui ne l'ont pas, à l'arrière, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'agrandissent pas, la fenêtre. Ils la laissent réduite. Ensuite, ils prennent la fenêtre par le haut. Et la descendre vers le bas. Il reste cliqué. Il clique sur le bleu en haut de la fenêtre. Et la font descendre en bas de façon à ce qu'on ne puisse pas voir ce qu'il y a en bas. Car la chose, il n'y a qu'en bas. Il n'y a pas rien en haut là. Les mauvaises images là se trouvent surtout en bas. Donc, il clique en haut et la fait descendre la fenêtre jusqu'à ce qu'il ne puisse pas voir ce qu'il y a en bas. Et là, pour celui qui n'a pas le programme. Ensuite, Ishaq, je te demande d'écrire si tu es là. Tu écris avec le. Tu écris mon email en ce qui concerne les questions, le nouveau, et celui du Zawad. Autre chose, vous avez peut-être remarqué pour le programme, pour ceux qui ne savent pas, maintenant, puisque le frère Abdel Malik, lui, quand il fait les cours, il tarde. Il déploie jusqu'à 11h de la nuit, c'est-à-dire ici, ici presque minuit. Ah, presque minuit. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de changer les horaires, ou là, les jours, et de marcher en même temps avec qui? De marcher avec Ousmo, avec Ammar. C'est-à-dire, lui, Ammar, il termine vite. Une heure et quart maximum, il termine. Donc moi, je peux commencer directement avec lui. C'est pour ça que la Aqida sera toujours samedi. Samedi, comme aujourd'hui. Ensuite, le Fiqh, au lieu de lundi, il sera mardi. Au lieu de lundi, il sera mardi. Alors, j'ai écrit ici, samedi, mardi Fiqh, et reste quel jour? Et non, mercredi, Hadith. Mercredi. Non. À 20h, Inch'Allah Ta'ala, 20h, 20h française, 20h. Juste après les repères de la Sunna. Vous êtes avec les repères de la Sunna quand il termine le samedi, mardi. Dès qu'il termine, on commence nous notre cours. Sauf le mercredi. Le mercredi, il n'y a aucun cours. C'est libre. Donc moi, je commence à 19h30 le mercredi au lieu de 20h. Et samedi, mardi, Inch'Allah Ta'ala, à 20h. Donc le prochain dars, Inch'Allah Ta'ala, de fiqh, c'est pas lundi, mais c'est mardi. Et de toute façon, c'est écrit en haut. Vous voyez en haut, en bleu, apprendre l'islam al-minhaj sahih, c'est écrit en bas, ibntaymiyyah.com. Quand vous rentrez là-bas dans le blog, vous trouverez ce que je viens de dire, yani pour être plus sûr. Autre chose, la sœur vient d'écrire les mails là. Zawad, voilà. Écris aussi l'autre, barakallahu fik, écris l'autre de faire les questions. Hada Zawad, hada. Maintenant, j'ai pensé, Inch'Allah Ta'ala, on a ouvert un compte qui s'appelle zawadgmail.com. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, vous commencerez, pour ceux qui veulent, les frères et les sœurs, de m'envoyer yani, leur curriculum. Yani, pas, ils ne vont pas raconter leur vie. Seulement, les choses les plus simples. Yani, sans dire qui je suis ou là. Elle peut le laisser. Moi, si je connais yani, c'est qui? Bien sûr, c'est un secret entre moi, elle, et Allah subhanahu wa ta'ala. De toute façon, moi, quand vous m'envoyez cela, je vais voir, yani, on doit écrire quel âge a-t-on, on est célibataire ou pas, on s'est déjà marié ou pas, on veut, quelles sont les conditions? On veut de tel âge à tel âge, on veut, par exemple, chacun a ses conditions, je ne sais pas, chacun a ses conditions. Je veux quelqu'un qui ma condition c'est qu'il fasse la hijra, chacun a ses conditions. Mais ne rentrez pas dans beaucoup de détails, parce qu'il est impossible de demander aux gens tous les détails. Ça, les détails viendront après. Moi, quand je vois que cette personne, elles ont des affinités, beaucoup de choses qui se ressemblent, beaucoup, j'envoie à la fin pour lui dire, est-ce que ce curriculum vitae, est-ce que ces ma'loumettes, est-ce qu'elles conviennent? Donc, j'envoie à l'homme, est-ce que les ma'loumettes de cette orte te conviennent? Si les deux disent d'accord, je demanderai à la fille quel est le numéro de son tuteur. Ensuite, celui-là, il téléphone à son tuteur, ensuite ils vont faire la muqabala. Ensuite, à partir du moment où ils font la muqabala, moi je ne suis plus responsable devant Allah Azza wa Jal. Si le frère est un escroc ou un menteur ou un voyou ou là, je ne suis pas responsable devant Allah Azza wa Jal. Si la sœur n'est pas une vraie sœur ou là, je ne sais pas ce qu'elle fait le haram ou là, je ne suis pas responsable devant Allah Azza wa Jal. Moi je donne comme condition quiconque, Allah subhanahu wa ta'ala est témoin, quiconque je l'envoie pour voir une sœur, je ne permets pas à la sœur qu'elle lui montre plus que le visage et les yeux. Plus que le visage et les deux mains. Le visage et les deux mains. Quiconque j'envoie moi ne verra que le visage de la horte et ses deux mains. Il ne voit ni ses cheveux, ni ses pieds, ni son tibia. Si elle lui montre plus, ou là lui, il demande plus, c'est je me désavoue devant Allah subhanahu azza wa jal. Maintenant, c'est écrit ici, apprendre l'islam. Alors, apprendre l'islam, c'est pour les questions. Pour les questions-réponses. Questions dans le din. Ceux qui ont des questions, ils envoient apprendre l'islam. Ceux qui ont sur le zawaj, ils envoient zawaj@gmail.com. Ensuite, je demanderai à trois sœurs, deux ou trois sœurs, qui se connaissent elles-mêmes, c'est mieux, si elles se connaissent elles-mêmes, de m'envoyer, si elles veulent, qu'elles m'aident, parce que, faut dire la vérité, moi je n'ai pas beaucoup de temps. Moi, je n'ai pas beaucoup de temps, yani, d'ouvrir une sorte d'agence et d'aller voir yani, qui convient à l'autre, qui ne convient pas, etc. Je suis yani, très pris par les doros, etc. C'est pour ça que je demanderai à deux ou trois sœurs qui voudraient m'aider de m'envoyer pour me dire spécialement je voudrais aider, à condition que celle qui veut aider, il faut au moins 2 heures par jour, elle rentre dans le site. Non, au moins 2 heures, elle consacre au moins 2 heures par jour, au moins une heure le soir, pour voir yani, qui convient à ceci, qui ne convient pas à l'autre, etc. Voilà, pour ceux qui ont, même pour l'autre Windows, ceux qui ont Windows, ils vont maintenant ces deux points. Ils cliquent sur ces deux points, ils vont à Windows. Ensuite, à Windows, ils cliquent sur System 32. Ensuite, ils cliquent sur Driver. Ensuite, ils cliquent sur etc., etc. Ensuite, ils cliquent sur Host, Rada. Et ils l'ouvrent, Rada Host, avec NotePay. Ensuite, à la fin de la page, c'est-à-dire à la dernière ligne, ils font entrer, ils descendent. Ils écrivent ces deux phrases. Comme ça, ils les collent, ils les coupent. 1200. Ensuite, il ferme NotePad, il le ferme, il enregistre ce qu'il y a. Ensuite, Inch'Allah Ta'ala, il ferme le paltok, il l'ouvre, il n'a plus de publicité. Il n'a plus de publicité bi'idhnillah Azza wa Jal. Donc c'est très facile. Vous allez à ces deux points. Quand ça s'ouvre, ces deux points, vous allez à Windows. Un répertoire qui s'appelle Windows. Naam, je l'ai reçu, et naam, tu n'es pas obligé d'envoyer yani, très vite les choses. Hein. Inch'Allah Ta'ala, prends ton temps, je sais que tu es malade, etc. Allah Yashfik, prends ton temps, et envoie seulement, Inch'Allah, quand tu peux. L'adresse de Hermesen est toujours valable. Mais pour les questions-réponses, c'est l'autre. C'est Hadi, je la vois, Hadi, apprendre l'islam. C'est apprendre l'islam, gmail.com. Non, on commence. Non, mais il y a autre chose. Quand je fais un DAS, des fois ma tête n'est pas avec moi, des fois je pense à autre chose, et je peux dire des choses fausses. C'est pour ça que, quand vous êtes en train de m'entendre, si quelqu'un remarque quelque chose, il envoie celui qui n'a pas le rouge. Il lui dit, il devait dire cela alors qu'il a dit cela. Au lieu de dire, il va aller entrer en enfer, il a dit, il va entrer au paradis, etc. On doit me corriger, c'est mieux que de laisser les choses passer comme ça. D'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est que la fois passée, dans le DAS passé, quand je parlais de Wahshi, radiallahu ta'ala anhu, j'ai dit celui qui a tué Hamza, radiallahu ta'ala anhu, l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, j'ai dit, il l'a tué, et il a mangé son poids. Et si vous demandez à un petit garçon de 8 ans ou de 10 ans, il va vous dire, c'est pas vrai, c'est pas Hamza qui a mangé le foie, c'est Hind. C'est Hind qui a voulu manger son foie. Elle a essayé, elle n'a pas pu. Hamza a tué Wahshi a tué seulement. Et je l'ai répété 2, 3, 4 fois, personne ne m'a corrigé. Personne ne m'a dit, ce n'est pas Wahshi qui a mangé le foie. Wahshi a tué seulement, c'est Hind qui a voulu manger le foie. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. On commence, Inch'Allah, par la première question, très bien. Naam, j'ai laissé 3 ou 4 sœurs dans le point rouge, comme ça pour que. Yani, vous n'envoyez pas une seule sœur, ensuite elle est, yani, c'est Zahma. Yani, une sœur dit, y a-t-il un temps limité pour réciter les invocations du matin et du soir, qu'Allah vous récompense? Naam, les invocations du matin, Inch'Allah Ta'ala, je crois qu'ils ne doivent pas dépasser le Dhuhr. Les invocations de l'après-midi, ils ne doivent pas dépasser le Maghreb. Et certains ont dit, yani, même l'Asr. Certains ont dit, même ne dépasse pas l'Asr. Mais je crois que le plus juste, c'est qu'on peut aller jusqu'au Maghreb. On ne doit pas dépasser le Maghreb en ce qui concerne Adhkar al-Masa ou Sabah. Mais si quelqu'un, pour une raison majeure, il a été dépassé, il vaut mieux qu'il les dise même après le temps. Pourquoi? C'est pour des raisons majeures. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, alayhi rahmatullah, a dit même pour, par exemple, qui sont jeûnés les 6 jours de Shawwal. 6 jours de Shawwal, c'est conseillé de les jeûner. Il a dit parfois, quelqu'un tombe malade, ou là, il a oublié, ou là, il est dépassé, une femme, etc., ne peut pas avoir des dettes ou là-dedans. Il a dit, elle peut même jeûner ces 6 jours après Shawwal. Yani, dès que la première occasion, dès qu'elle guérit ou là, dès que ça, elle commence à faire les 6 jours. Pourtant, le hadith a dit, من صام رمضان واتبعه بست من شوال الى بريسيزي لو mois شوال الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه il a dit quand quelqu'un est force majeure même s'il dépasse le temps يعني c'est toujours son temps pourquoi parce qu'il n'a pas fait exprès la même chose ici pour les doigts les invocations il faut les faire en leur temps si on est dépassé on peut les faire après c'est pour ça qu'il y a un hadith sahih de Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu a dit quiconque a un word il a une habitude de lire par exemple 3 pages du Coran chaque jour. Il a dit ensuite, ça s'appelle Wird. Ensuite, aujourd'hui, il n'a pas lu. Il n'a pas lu. Khlas, c'est le Maghreb, la journée est terminée. Il a dit, il peut le lire le lendemain jusqu'au Dar. Le lendemain jusqu'à Salat al-Dar, il peut rattraper ce qu'il n'a pas lu hier. C'est un hadith sahih de Ibn Azzawajal. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Inch'Allah, le prochain sou'ad. Une sœur vous demande. Si Allah trouve une personne énormément associée parce qu'elle paye les péchés, parce qu'elle a fait, si Allah éprouve une personne énormément, est-ce aussi parce qu'elle paye les péchés, parce qu'elle a fait? En principe, les sunna disent, on ne doit pas beaucoup chercher pour quelle raison on a été éprouvé. Est-ce que c'est une épreuve pour augmenter notre foi, on est masha'Allah, ou là on est en train de payer les péchés? D'ailleurs, il n'y a pas un délil, yani, qata', clair en ce sens. Tu ne peux pas yani, être sûr que c'est à cause de cela ou à cause de cela. Mais toujours, le croyant dit, Alhamdulillah ala kulli hal. Toujours il dit, Alhamdulillah ala kulli hal. Et toujours il se dit, j'ai dû sûrement faire des péchés. Et quiconque de nous ne fait pas des péchés. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit, Kullu bani Adam khatta. Wa khayru khatta'in tawwabun. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas surtout de savoir pourquoi, est-ce que c'est à cause de cette chose ou de cette chose, mais l'essentiel, c'est d'avoir un cœur qui est, un cœur serein, un cœur qui accepte. Un cœur qui accepte. Allah Azza wa Jalla a dit, وَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit, il n'y a pas de malheur qui arrive, sauf si Allah le veut. Ensuite, directement, il a dit, après ce verset, il a dit, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهِ. Et quiconque croit en Allah, Allah Azza wa Jal guide son cœur. Les ulama ont dit, croit en Allah ici, ça veut dire, croit, sait et croit que le malheur est venu d'Allah. Moussiba est venu d'Allah subhanahu wa ta'ala et il doit patienter. Et bien sûr, quand la Moussiba vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plupart, c'est à cause de nos péchés. La plupart du temps, c'est à cause de nos péchés. Mais des fois, on est bien. On est un pieux, une pieuse, et il nous arrive des choses parce que Allah nous aime et veut nous élever dans les rangs. Est-ce que vous croyez que Cheikh Ibn Uthaymeen était quelque chose, c'était quelqu'un qui n'était pas pieux? Cheikh Ibn Uthaymeen, ce n'était pas quelqu'un qui jeûnait ou qui faisait la prière à l'heure, qui a passé toute sa vie dans les doros, qui n'a rien connu de ce monde. Et qu'a-t-il eu avant de mourir? Qu'a-t-il eu? Il a eu le cancer. Est-ce que Allah Azza wa Jal n'aime pas Cheikh Ibn Uthaymeen? Il veut le châtier? Il veut lui donner ici un supplice? Non. Il veut l'élever avant qu'il ne meure. Il veut le faire mourir avec aucun péché sur son dos. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Astaghfirullah wa la hawla. Allah subhanahu wa ta'ala afiyah wa yahdiyana wa yahdi qulubana ya rabbi. Un frère dit, j'aimerais savoir si possible. Est-ce la sentence de celui qui fournit tout en étant marié, la sentence lui efface ce péché de son compte? C'est-à-dire, après la lapidation, cela lui efface ce péché. En gros, est-ce que la sentence due au péché commis sont effacées après sentence reçue? Justement, c'est ce que j'ai voulu dire, c'est ce que j'ai voulu expliquer. Quand quelqu'un fait, par exemple, la fornication, si on lui applique la sentence, alhamdoulilah, le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam a dit, c'est une kafara pour lui. Il a effacé son péché. Mais quand on ne lui applique pas la sentence et qu'il veut faire le repentir seulement entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, Si Allah Azza wa Jal veut lui pardonner, demain il lui pardonne, s'il ne veut pas, il ne lui pardonne pas. Mais Inch'Allah, en général, Allah Azza wa Jal pardonne à quelqu'un qui est sincère. Quelqu'un qui est sincère, il lui pardonne, bi'idhnillah Azza wa Jal. Inch'Allah Ta'ala, je crois que Inch'Allah Ta'ala, c'est la réponse que tu voulais. C'est j'ai répondu d'après ce que j'ai compris. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Tfaddal. Un frère dit, comment on doit faire ceux qui ont fait zina en France, frères et sœurs, doivent-ils le dire à leur époux ou épouse? Comment faire s'il est pour l'épouse après le mariage? Est-ce un motif de talaq? Personne ne dit à un autre ce que j'ai fait. Il le laisse entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Il le laisse entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. De toute façon, moi, si vous saviez ce qui m'arrive dans le, ce qu'on m'envoie dans le courrier, Allah, vous serez étonné. Moi, je suis étonné de ce qu'on m'envoie. Yani, ça, des choses qui me déchirent le cœur. Des choses qui me déchirent le cœur en ce qui concerne Zina et autre chose. Des choses qui déchirent le cœur. Et ce qui m'étonne, c'est que certains, ou la certaine nouvelle, ou la nouveau, ou la machin, comment, ne savent même pas peut-être que c'est interdit. On a qui m'écrivent et qui me disent on dort ensemble, on sort ensemble, on joue ensemble, on s'en. Je dis la hawla ou la quwata illa. Moi, quand quelqu'un me dit le frère X et moi on sort ou là, je dis il faut pas appeler ça frère. Lui ce n'est pas un frère, toi tu n'es pas une sœur. Ce n'est pas vrai. Chez Allah vous n'êtes ni frère ni sœur. Chez Allah vous êtes très très loin de l'islam. On ne dit pas n'importe qui c'est un frère et n'importe qui c'est une sœur. On dit un faux frère, une fausse sœur. Ça on le dit. Mais le vrai frère, la vraie sœur, dorment ensemble, sortent, vont au cinéma, vont au jardin. Ça c'est jamais vu, ni en islam, et ça c'est vu, ça se voit beaucoup en France. En France, yani, je reçois des choses qui me déchirent le cœur. Mais je dis, alhamdoulilah, peut-être que les gens sont nouveaux, peut-être que les gens ne comprennent pas, les gens viennent de se convertir, les gens n'ont pas beaucoup de foi, les gens vont aller yani, doucement, doucement, avec eux, asallahu subhanahu wa ta'ala, أن يهديهم وأن يشرح لهم صدورهم وأن يرزقهم التقوى والخوف منه سبحانه عز وجل. J'ai dit, je réponds à cette question, je ne suis pas obligé de dire à mon épouse que j'ai fait ceci ou cela, et elle n'est pas obligée de me dire. Même si elle a fait elle une chose, والعياذ بالله, elle doit faire quoi? Elle doit faire tawba entre elle et Allah سبحانه وتعالى. Mais si c'est une femme, c'est grave en ce sens que quoi? En ce sens que, si elle a fait la zina, elle n'a plus le droit d'être approchée par son mari jusqu'à ce qu'elle sache si elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte. Non, c'est très grave. Donc son mari doit, il est obligé de le savoir. Mais l'homme, non, il n'est pas obligé de dire à sa femme parce qu'elle peut pas, elle peut ne pas le savoir. Elle n'est pas obligée de le savoir. Mais elle fait. Un repentir entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez dans la fitna de Aïcha radiallahu ta'ala anha. Aïcha dans le Coran a dit qu'elle n'a rien fait. Ça, c'est pour ça que les ulama ont dit quiconque dit que Aïcha a fait la zina, c'est un kafir. Quiconque. Il dit Aïcha a fait la zina, comme disent les chiites et les rawafid, ce sont des kuffars. Dès qu'il dit Aïcha a fait la zina, on lui dit tu es un kafir directement. Pourquoi? Parce que le Coran a dit qu'elle n'a pas fait. Ça veut dire tu dis à Allah. Tu lui dis à Allah, c'est pas vrai ce que tu dis. C'est pas vrai. Elle a fait, astaghfirullah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Quand le prophète a eu la fitna avec Aïcha, on a dit qu'elle a fait la zina et ça. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ya Aïcha, in kunti almanti bi dhanbin, astaghfirullah wa tubilih. Oh Aïcha, si tu as fait yani, un péché, et tubilah, fais le repentir et astaghfirullah. Donc, quiconque fait un péché, qu'est-ce qu'il fait? La première des choses, il fait le repentir entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas la peine de le dire à l'épouse, ni c'est un motif de talaq. Ce n'est jamais un motif de talaq. Pourquoi? Parce que je n'ai pas bien compris qu'est-ce que ça veut dire un motif de talaq. Si tu veux dire que quelqu'un a fait la zina avant d'être avant, ce n'est pas un motif, ce n'est pas une raison pour que la sœur demande le talaq, ou bien lui, il demande le talaq de la sœur. Il lui a dit, toi, autrefois, tu as fait la zina. Ça, c'est pas une raison. Elle a fait le repentir. Mais si maintenant, elle a fait la zina, ou lui, il a fait la zina, c'est un motif de talaq. Naam. Elle dit, je ne veux pas quelqu'un qui fait la zina. Tu as fait la zina. Et ça s'arrête entre nous. Je demande le divorce. Et lui, il dit, une femme a fait la zina. Je l'accepte pas. Comme elle a fait aujourd'hui, elle peut faire demain. et je n'ai plus confiance en toi, et prends le talaq. Naam. Inch'Allah, tu as la prochaine question. Salam alaykoum. La peine pour la zina et le viol est-elle la même pour l'homme? La peine pour la zina et le viol est-elle la même pour l'homme? En fait, je n'ai pas bien compris la différence entre la zina et le viol. Je ne vois pas qu'elle. On ne peut pas faire de viol sans la zina. C'est quoi le viol, yani? Quelle est la différence? Je ne vois pas, yani, où est la différence entre la zina et le viol. Si tu peux me formuler d'une autre façon, pour que je comprenne mieux. De toute façon, je voudrais dire à ceux qui font la zina que s'ils ne savent pas, à part le châtiment, le grand châtiment qu'il y a ici sur terre, À Jahannam, même quand ils vont rentrer en enfer lui-même, il y a un feu spécialement pour les fornicateurs et les fornicatrices. La hawla wa quwwata. Tellement c'est grave, yani. Au feu, à l'intérieur, il y a un feu, parce qu'ils vont être rentrés comme dans un four. Il y a un feu, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sort de la terre, yani Jahannam, il sort du bas, et il monte spécialement vers les parties intimes. Ce feu range et brûle spécialement les parties intimes. Pour ceux qui ont fait la zina ici, pour l'ayadu billah. Est-ce que la personne qui m'a besoin de contact à nouveau? Zina, la femme, est consentante. C'est consentante. Non. Ça, j'ai compris. La zina, la femme est consentante. C'est elle qui accepte. D'accord, j'ai compris. Barakallahu fik, ou mishaq. La zina, c'est la femme qui a consenti. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Les deux, on les lapide s'ils sont mariés. Et on les fouette s'ils ne sont pas mariés. Et si l'un est marié et l'autre non, on fouette. Celui qui n'est pas marié, on lapide celui, celle ou celui qui est marié. Mais pour le viol, c'est pire que la zina. Parce que le viol, il a fait ça de force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui, qu'on va lapider. On peut même le frapper avant de le lapider. Voilà, quelque chose qui s'appelle siyasa sharia, pour viol. Ensuite, on le lapide, il est déjà marié. Mais la femme, on lui fait rien. Pourquoi? Parce que on a fait ça de force. On lui a fait ça de force. Non, on lui a fait ça de force. C'est pour ça que l'islam ne lui fait rien. L'islam reconnaît l'ikrah. Quand quelque chose a été fait de force, l'islam ne te punit pas, ni te donne de péché, alhamdoulilah. تفضل ان شاء الله prochain سؤال. السلام عليكم ورحمه الله. دقيقه يا شيخ, ce que je voulais dire pour les frères et sœurs, inchallah barak Allah fik, m'arrêter d'envoyer des questions qui n'ont rien à voir avec le dars. Je répète bien, envoyer des questions, vos questions qui sont en rapport qu'avec le dars, barak Allah fik. Et inchallah, يعني pour le développement, pour poser les questions, on va faire un frère une sœur, un frère une sœur, un frère une sœur, ahsan, barak Allah fik. نعم, la question, toutes les questions qui sont venues sur la zina, elles ont rapport avec le daf. Parce que j'ai parlé de la zina aujourd'hui, des cinq personnes qui ont fait la zina. Elles ont rapport, et c'est aussi très important, parce que beaucoup de gens, mal-assef, trouvent que ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ils n'ont pas peur. Beaucoup de gens n'ont pas peur. Comme a dit Allah Azza wa Jal, بَلَّا يَخَفُونَ الْأَخِرَةِ. Ils n'ont pas peur de l'au-delà. Quand on n'a pas peur de l'au-delà, on peut faire la zina et dire, ce n'est pas grave, qu'est-ce que j'ai fait? Tout le monde fait la zina. Ça, c'est pas grave. Et quand on a peur de l'au-delà et on a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, yani, si tu fais une petite chose, tu regardes seulement une femme, tu regardes seulement dans la rue une femme, avec un petit désir dans le cœur, tu dors pas la nuit, tu as peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dors pas la nuit. Non. Yani, ça te laisse pas dormir, tu as les remords. Et quand on n'a pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, on fait la zina et on se dit quoi? On se dit, tout le monde fait la zina, qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est plein, c'est dans la rue, c'est partout, je peux rien faire. Naam, la hawla wa la quwwata illa billah. Tafadhal, parce que s'il n'y a plus de questions sur le daf, pour qu'on sorte du daf et qu'on aille aux questions libres. Tafadhal. Une sœur dit, à partir de quand mon mari est coupable d'adultère? Est-ce à partir du rapport ou à partir du baiser? À partir du rapport, un homme est coupable d'adultère. S'il a seulement embrassé, il n'est pas coupable d'adultère. S'il a seulement embrassé, ensuite le gouverneur, il a appris, ou là il est allé dire j'ai fait ceci ou cela, il peut lui faire le ta'zir. Il peut le frapper un coup, il peut le mettre en prison, il peut lui demander qu'il verse de l'argent, il peut, pourquoi? parce qu'il n'a pas fait une kabira, il n'a pas fait un grand péché. Mais le fait d'embrasser une femme, si elle n'est pas notre femme, ça veut dire déjà que Allah subhanahu wa ta'ala est courroucé contre nous. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala est courroucé contre nous. Ensuite, il y a une chose très importante. Moi, et ça c'est mon avis, Inch'Allah c'est mon avis, hein. Moi je me dis, ou bien je suis musulman, je suis pratiquant, ou bien, khlas, je vais dans l'autre route. Moi je n'aime pas jouer, je ne joue pas avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla m'a fait choisir. Il m'a dit, je t'ai donné les deux sentiers, choisis. Tu veux le sentier des tentations, de la zina, des femmes, de l'alcool, de la drogue, vas-y, fais ce que tu veux. Tu veux mon sentier, à cause de moi, je veux que tu ne fasses pas ces choses. Ça, c'est le délil, c'est la preuve que tu m'aimes. C'est pour ça qu'il a dit dans le hadith sahih, hadith Qudsi, il a dit, yada'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Allah a dit, regardez mon serviteur, il laisse sans manger lorsqu'il jeûne. Il ne mange pas. Il ne boit pas, il laisse ses tentations. C'est-à-dire qu'il ne fait rien avec sa femme à cause de moi. Donc c'est un délit que j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avec Allah subhanahu wa ta'ala, on ne joue pas. Tu choisis, ou bien tu as le deuxième sentier de la drogue et des femmes, ou bien tu as le sentier de adorer Allah subhanahu wa ta'ala et l'aimer, essayer de s'approcher chaque jour de plus. Yani faire le monde, faire ce qu'il aime, faire ça. Et Allah Azza wa Jalla, chaque fois, il te remercie et il te fait descendre la quiétude dans ton cœur. Il fait agrandir ton cœur. Il te rend l'un des plus heureux. Il te rend yani, qui serein. Il te rend yani, tu sens un paradis dans ton cœur. Il ne faut pas jouer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être sincère. Plus on est sincère, plus Allah subhanahu wa ta'ala nous aime. Maintenant, si on commence à yani, faire la prière et faire la zina et faire ceci, et sortir avec une femme. Tout ça, c'est du faux islam. Tout ça, c'est le faux islam. Regardez, je vous donne un exemple. C'est tout, un exemple, vous allez comprendre. Cheikh Al-Albani a cité un hadith, son jami' sahih. J'ai oublié son numéro, mais il a dit hadith sahih. D'ailleurs, je l'ai fait une ou deux fois, prière de, dans la prière du mois. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a une femme qui était, subhanallah al-azim, qui faisait la zina. Qu'on appelle une prostituée, qui faisait la zina avec de l'argent autrefois. Yani, elle se vendait. Elle avait une tente autrefois, elle faisait des tentes, elles avaient un drapeau sur la tente, au-dessus de la tente. Quiconque passe voit le drapeau et sait que sous cette tente, on fait la zina avec de l'argent. C'était le temps du shirk. Après, Allah Azza wa Jal, yani, lui a fait descendre l'iman dans son cœur. Elle a fait la touba, elle a fait le repentir. Regardez le vrai repentir comment. Ensuite, elle a rencontré quelqu'un qui la connaissait auparavant et ne sait pas que peut-être elle a fait le repentir. Il a commencé à parler avec elle et tout en parlant avec elle, en plaisantant, il a mis sa main sur elle. Sa main sur sa tête ou là sur son épaule ou là sur sa main ou là il l'a enlacé. Le hadith n'a pas dit où. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Il lui a dit meh, yani, enlève ta main de moi, éloigne-toi. Laqad ja'a al-islam wa dhahab al-shirk. L'islam est venu, khlas. Le shirk est parti. Tu crois que je joue moi? Ça veut dire à peu près lui a dit ça. Tu crois que je joue moi, tu mets ta main sur moi? Bon, maintenant je suis musulmane. Maintenant il n'y a plus, c'est le shirk est parti, la socialisme. Khlas. Maintenant je suis pratiquante. Enlève ta main. Subhanallah al-Azim. L'autre il a tellement été étonné qu'il a dit, il s'est retourné. Salam alaikum, vous m'entendez? La suite saute. S'il vous plaît, Ikhwa Khawat, là, les ordinateurs, ils bug à chaque fois. Posez, Inch'Allah, des questions sur le sujet dans un premier temps. Inch'Allah, après, s'il y a du temps, ça sera des questions libres. Parce que là, l'ordinateur, il arrête pas de bugger 50 fois. Subhanallah, il y en a 50 des fenêtres qui s'ouvrent. Et sur 50, il y en a 40, c'est des questions, yani, pas du sujet. Barakallahu fikum, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa بعد من مالك جولة جولة تبغل دكو أخي هل جمع تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت ما وجو مسوي زاغيتي بارك الله فيك. جيت ما وجو مسوي زاغيتي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم Non, dites-moi où je me suis arrêté, barakallahu fikoum. Non, où exactement? Donc, non, ça. Non, je disais que ensuite cet homme, quand il a mis la main sur elle, il a mis la main sur elle, lui a dit, yani, enlève ta main dans ce sens, yani, l'islam est venu. Non, l'islam est venu, alhamdoulilah, et le shirk est parti. Habiboul, alhamdoulilah, je ne fais plus cela maintenant. El Mohim, quand il yani, tellement yani, ce qu'elle a dit, ça l'a étonné, yani, c'est rentré dans son cœur, qu'il a marché, tout en regardant derrière lui, en la regardant. Yani, il dit, Masha'Allah, yani, elle dit vraiment, elle applique, Allah, elle applique l'islam. Ensuite, il s'est cogné contre un mur, il est parti au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, voilà ce qui s'est passé, j'ai dit que c'était un délire de la sincérité. Hein. Il fait quelque chose, il va raconter au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour chercher une issue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, toi, tu es quelqu'un que Allah azzawajal a voulu du bien. Anta abdun aradallahu bi khayran. Ida aradallahu bi abdin sharran, yani tarakahu wa dhunubahu hatta yuwafiyahu biha. Quand c'est dans le hadith, dans le sens. Il lui a dit, toi, Allah Azzawajal a voulu de toi du bien. Quand Allah Azzawajal veut quelqu'un du mal, il le laisse avec ses péchés, jusqu'à ce qu'il le rencontre demain, yani, Yom Qiyamah avec les péchés. Donc, quels sont les avantages qu'on tire? Donc, celui-là, quand il a fait la faute, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a fait la faute, Allah Azzawajal l'a puni, yani, à la même heure, à la même minute, il l'a puni. Donc, nous, si on fait une faute, on nous punit, Allah Azzawajal nous punit, on a un malheur, un accident, on tombe, on se casse, on cadre, qu'est-ce qu'on dit? On doit dire Alhamdulillah. J'ai pu, Inch'Allah. Alhamdulillah. Pourquoi? Deuxième bénéfice aussi. Alors, toute personne qui embrasse et qui fait des choses, etc., et des choses que je ne cite pas ici, et qui n'a rien, il n'a pas de malheur, c'est pas la peine que le shaitan la fasse tromper cette personne. Elle lui dit, ça se voit que Allah Azzawajal, toi, il t'aime. La preuve. Regarde, tu embrasses, etc., et il ne t'arrive rien. Masha'Allah, toi, Allah Azza wa Jalla, peut-être il t'aime, il te fait même du piston. La hawla wa la quwwata illa billah. On doit lui dire, toi, ça veut dire, prépare-toi pour le jour du jugement dernier. Allah Azza wa Jalla te veut du mal, il n'a pas voulu te punir maintenant, il veut que tu amasses. Tu amasses jusqu'à ce que tu le rencontres avec des montagnes de si'at ou l'iyadu billah. Donc, quiconque fait quelque chose, une faute, il paye qu'il dise Alhamdulillah, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque voit les films de haram, voit la pornographie, voit kada, parle avec des femmes, zina, kada, embrasse, etc., il lui arrive rien, qu'il sache qu'il est dans un grand danger. Peut-être même qu'il est bien pour lui, qu'il demande à Allah de le punir. Plutôt que de rester comme ça, il rencontrera avec des montagnes de si'at ou l'iyadu billah. Tafadhal, le prochain sou'al, inshallah, tafadhal. Pouvez-vous parler de la prostituée qui rentrera au paradis de Ben Israël en donnant de l'eau aux chiens? Naam, c'est un hadith sahih. Ce hadith, il est chez le Bukhari et beaucoup d'autres, où il est dit qu'une femme, et dans un autre hadith, il est dit un homme. Il n'y a pas de contradiction. La même chose s'est passée une fois à l'homme et ça s'est passé une fois à la femme. C'était une prostituée et une fois elle avait soif. Alors, elle est allée vers un puits pour tirer de l'eau et boire. Lorsqu'elle est arrivée devant le puits, elle a enlevé ce qu'on appelle bléra, elle a enlevé ses souliers, je ne sais pas comment ça s'appelle, un soulier, elle l'a enlevé, elle est descendue avec la corde. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a retiré de l'eau dans son soulier, elle est sortie et elle a bu. Quand elle a bu, elle a vu devant elle un chien qui avait tellement soif qu'il est il était en train de lécher la boue. Hein? Il y avait un peu d'eau comme ça par terre, c'était devenu de la boue. Il a commencé à lécher. Elle a dit, Subhanallah al-Azim, ce chien, yani, il est passé par le même stade dans lequel moi je suis passé il y a seulement 2 minutes. Il a soif comme j'avais soif. Elle est descendue et elle a rempli son soulier une deuxième fois et elle l'a posé devant le chien et il l'a bu. Quand il l'a bu, Allah Azza wa Jal, shakara laha. Il l'a remercié parce qu'elle l'a fait et il l'a fait rentrer au paradis. Et ça, c'est un hadith sahih qui montre que pour rentrer au paradis, Yani, quand on est sincère, c'est pas on doit donner des milliards ou là on doit. Man, tu dois donner un petit morceau de pain à un chien, tu vas aller au paradis, Inch'Allah. Si le chien toutefois est un chien permis. C'est pas quelqu'un qui va acheter le caniche, il va acheter le caniche, il va le mettre au salon, hein, il va lui donner à manger. Celui-là, chaque fois que tu lui donnes à manger, tu as un ithm. Pourquoi? Parce qu'il est interdit qu'il reste chez toi, ce chien. Chaque jour, il t'enlève une montagne ou bien deux. De quoi? De hasanat. Alors, si jamais tu as une montagne de hasanat, quiconque de nous a une montagne par jour de hasanat, lui, il t'enlève chaque jour une montagne ou deux montagnes de hasanat. Wala hawla wala quwata illa billah al-ali al-azim. La preuve, cette personne qui a le caniche à la maison, si elle voit un yétim, comment ça s'appelle déjà le yétim en français, j'ai oublié. Si elle voit un yétim, elle lui donne pas à manger. Elle peut pas même pas lui donner un orphelin. Elle voit un orphelin, elle peut pas lui donner dans la rue un euro. Et pourtant le chien qui est interdit, elle lui achète la viande hachée, elle lui achète la viande du Monoprix, je ne sais pas où. Elle lui achète même la douara que j'aime moi manger. Naam, tafadhal, le prochain soual, Inch'Allah. J'attends la question, Inch'Allah ta'ala. Un frère pose, Khoudri, était-il un saint? Naam, j'ai dit tout à l'heure que le vrai, comme a dit Ibn Hajr, l'Asqalani dans Fath al-Bari, il a dit, on dit, Al-Khaber. Ou bien on dit, Al-Khidru. On ne dit pas Al-Khodair, comme beaucoup disent Al-Khodair. On dit Al-Khidr ou Al-Khaber. Est-il un saint? Qu'est-ce que ça veut dire un saint en arabe? C'est quoi un saint exactement? Est-ce que tu veux dire s'il était yani un prophète ou là, qu'est-ce que tu veux dire par ça? Saint. Un wali. Naam. Le Al-Khaber était quoi? Était un prophète. Al-Khaber était un prophète et ce n'est pas un homme pieux. Comme disent beaucoup de gens, c'est pour ça que certains sectes, comme les soufis, etc., disent voilà, un pieux, donc un wali, peut être mieux qu'un prophète. D'ailleurs, Al-Khadir était un pieux et il savait des choses que le prophète Moussa ne connaissait pas. On dit, tu t'es trompé, Al-Khadir était aussi un prophète. Et en fin de compte, l'histoire de Moussa avec Al-Khadir, l'histoire s'est déroulée entre trois prophètes. Moussa alayhi salam qui est un prophète min ulil al-azm, Al-Khadir alayhi salam qui est un prophète et le valet de Moussa qui est parti avec lui à qui il a dit atina rada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba, le petit valet qui était avec lui c'était aussi un prophète. Naam, il s'appelle Yusha ibn Nun et c'est pour ça qu'en fin de compte l'histoire a eu lieu entre trois prophètes alayhi salam. Il y a beaucoup de preuves que Khadr était un prophète et non pas un wali. Tafadhal, Inch'Allah, d'ailleurs, Ibn Hajr a fait une risala spécialement pour prouver que c'était un prophète. Est-ce que le niqab est wajib? D'après les ulamas, les grands ulamas de l'Arabie Saoudite, tous, sans exception, disent que le niqab est wajib. Cheikh Al-Albani, ala rahmatullah, a dit qu'il n'est pas wajib. Et il a dit, j'ai beaucoup de dalil pour dire que je n'ai pas wajib. Mais, il a dit, premièrement, s'il n'est pas wajib, il est mustahab, il est conseillé. S'il n'est pas, il a dit, s'il n'est pas wajib, pour lui il n'est pas wajib. Il a dit, il est conseillé. Deuxièmement, surtout quand une femme est mariée. Maintenant elle n'est pas mariée, disons elle est jeune, maintenant elle s'est mariée. Qui donc, pourquoi montre-t-elle son visage? À qui veut-elle plaire? À qui veut-elle plaire? Elle veut plaire à son mari? Son mari la connaît. Quand elle est à la maison, elle enlève le niqab. Donc pourquoi elle veut pas le mettre alors qu'elle est déjà mariée, elle est assez âgée. Et troisièmement, surtout quand on est dans un pays de fitna et de kuf. De kuf où yani, le kuffar voudrait bien voir le visage, voudrait bien yani, dire des choses, voudrait bien yani, faire des clins d'œil, etc. Quand on la voit comme ça, on voit son visage, etc. Donc moi je mets le niqab pour lui montrer qui ne me voit pas, Inch'Allah ta'ala. Je ne me permets pas de me voir, Inch'Allah ta'ala. Mais je ne vous dis pas, il est wajib. Moi, je ne suis pas convaincu qu'il est wajib. Je suis convaincu qu'il est recommandé, surtout yani, dans certains endroits. C'est pour ça que, par exemple, si vous allez à l'Arabie Saoudite, je vous conseille, par exemple, de mettre le niqab. Là-bas, tous disent que c'est wajib. On n'allait pas dans un pays où les ulama disent c'est wajib. Ensuite, tu vas toi montrer ton visage. Ensuite, tu vas avoir beaucoup de problèmes là-bas. Beaucoup de problèmes avec les gens que tu n'as pas respectés là-bas. Tafadhal, inshallah. Je commence. Donc, c'est un frère qui est avec nous sur le room, inshallah. Il vous dit d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Barakallahu fikum pour votre cours qui nous a été encore une fois très profitable, alhamdoulilah. Voici ma question. Une femme très âgée est décédée il y a un jour. C'est la mère d'un frère converti. Cette femme avait attesté, yani elle a fait shahadatayn. Par la suite, très peu de temps après elle, elle a eu une grave maladie, très très grave. Elle ne pouvait donc rien faire, ni salat, ni rien du tout. De plus, elle était très vieille, et donc ignorante de ses obligations. Allah Azza wa Jal a donc repris son âme hier soir. Hier, rahimallah. Son mari ne sait pas qu'elle avait fait l'attestation de foi pour entrer dans l'islam. Et donc, son mari, qui est kéfir, il ne sait d'ailleurs toujours pas qu'elle est morte musulmane. La fille de cette femme, c'est une convertie, elle est aussi mariée à un musulman. Son mari a été voir l'imam pour savoir s'il devait prier sur la mère de sa femme, qui est donc décédée de cette maladie. L'imam a dit non, qu'il ne fallait pas prier sur cette femme. Mais, cher, ça c'est la personne qui vous dit, il vous dit qu'elle a été atteinte de maladie. Elle n'aurait donc rien pu faire. Cette maladie était très grave. Notre question est donc, est-elle considérée comme musulmane? Donc dans un premier temps, est-ce que cette femme qui a fait attestation de foi, yani shahada, est-ce qu'elle est considérée comme musulmane? Dans un second temps, le frère il vous pose la question, devons-nous prier dessus? En plus, elle sera enterrée comme une chrétienne car son mari ne sait pas qu'elle s'est convertie. Et c'est trop tard pour changer tout cela, car apparemment, les démarches ont déjà été faites dans ce sens. C'est ce que m'a dit le mari de cette femme. Mais pouvons-nous aller prier, dans le funérarium qui est une pièce où il y a son corps? Yani, il y a encore son corps dans une pièce, c'est la morgue, comme ils disent. Est-ce qu'ils peuvent aller faire yani, sal geneza dans cet endroit pour la femme? Donc, devons-nous prier sur elle à cet endroit? Bien sûr. Dans le cas où vous direz si elle est considérée comme musulmane, c'est ce que nous pensons. Yani, il pense qu'elle est musulmane car elle a fait l'attestation de foi. Mais l'avis de cet imam qui est de Belgique et qui a dit qu'elle n'est pas musulmane et qui leur a dit qu'il ne faut pas prier sur elle, yani, laisse les frères perplexes. Barakallahu fikum, cher. Une seconde, Inch'Allah, je t'ai arrêté et j'ai une raison. Est-ce que tu m'entends hein? Abu Wasmu, Abu Abdelmal, qu'est-ce que tu m'entends? Naam. Smahli, j'entendais pas du début. C'est pas j'entendais pas. Yani, je pensais à autre chose. Tafadhal, répète, Inch'Allah, je pensais à autre chose. Je savais que le, naam, je savais que le règlement ne permettait pas à des gens de parler. Si tu as parlé, je savais même pas c'est qui, toi. Je dis qui c'est celui-là qui a pris le micro, qui est en train de parler, etc. Donc, je pensais à autre chose. Répète, jazakallah, répète, j'ai pas entendu, très bien. Est-ce que vous m'entendez? Donc c'est moi, Abou Elias, j'ai dû changer de pseudo, smahli. Donc je recommence tout. Bismillah. Donc le frère, il vous pose, il dit, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Barakallahu fikum pour votre cours qui nous a été encore une fois très profitable, alhamdulillahi. Il vous pose une question. Donc il vous dit, une personne, donc une femme très âgée, est décédée il y a un jour. C'est la mère d'un frère converti. Cette femme avait fait shahadatayn, yani attestation de foi. Par la suite, très peu de temps après, elle a eu une grave maladie, très très grave. Elle ne pouvait donc rien faire, ni salat, ni rien du tout. De plus, elle était très vieille, et donc ignorante de ses obligations. Allah a donc repris son âme hier. Son mari ne sait pas qu'elle avait fait l'attestation de foi, et ne le sait d'ailleurs toujours pas. Son mari n'est pas musulman. La fille de cette femme est une convertie. Yani, elle s'est convertie à l'islam, la fille de cette femme, et elle est mariée à un musulman. Le mari de cette fille, qui est musulman, il est allé voir un imam. Cet imam, il est en Belgique, et Annie lui a demandé, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'ils peuvent prier sur la mère sur cette femme qui est morte, yani, sachant qu'elle est musulmane, et car elle est morte d'une maladie. Cet imam, il a dit non, car elle n'a pas prié ni rien fait. Yani, elle s'est convertie à l'islam, mais elle ne faisait pas salat. Le cher, yani, il leur a dit qu'elle est morte d'une maladie, qui l'a atteint, et elle est morte yani rapidement. Et donc, cette maladie était très grave. La question du frère, il vous dit que cette femme, elle était considérée par tout le monde comme musulmane, parce qu'elle s'était convertie. Donc la question c'est, doivent-ils prier sur cette femme? Car en plus, elle sera enterrée comme une chrétienne. Cette femme, même s'il prie sur elle, elle sera enterrée comme une chrétienne, parce que son mari ne sait pas qu'elle s'est convertie. Et c'est trop tard pour changer tout cela, car apparemment, il y a ni les démarches pour l'enterrer, pour faire tout ce qu'il y a après la mort. Ça a été fait par le mari de la femme, qui lui ne sait toujours pas qu'elle était musulmane. Donc le frère vous demande, est-ce qu'ils doivent prier sur elle? Parce qu'actuellement, elle est dans un endroit, yani c'est la morgue, où ils mettent les morts en France. Est-ce qu'ils demandent, est-ce qu'ils peuvent aller faire Salat Janaza là-bas sur elle, sachant qu'après, elle va être enterrée quand même dans un cimetière de Koufar. Et le pourquoi de cette question? Ben parce que l'imam de Belgique leur a dit qu'il fallait pas qu'il prie sur elle. Wa inshallah, j'ai bien expliqué. Wa barakallahu fikoum, cheikh. Tfaddal. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. En ce qui concerne cette femme, inshallah ta'ala, c'est une musulmane. Cette femme, il est interdit haram. Il est interdit haram de l'enterrer dans un cimetière de chrétiens. D'ailleurs, sa fille, c'est elle qui aura une part du ithm de ne pas dire à son père qu'elle a fait la shahada. Elle aura une partie des péchés de ne pas dire à son père qu'elle a fait la shahada. Maintenant, elle doit lui dire. Et si lui, il ne veut pas, et il la force, et la loi française ou la machar belgique ou la dit qu'elle s'enterre là-bas, ça c'est autre chose. Mais elle, au moins, elle se désavoue et se désengage devant Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir dit à son père que c'est une musulmane. Pourquoi? Parce qu'elle a fait la shahada avant de mourir. Surtout qu'elle est tombée malade, surtout qu'elle est nouvelle, surtout qu'elle ne connaît pas shara. Celle-là, elle est, inshallah ta'ala, parmi les musulmanes. Et dans le hadith du Bukhari, qu'un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire le djihad. Il était en plein djihad. Il lui a dit, aslim am uqatil. Yani, je fais le djihad ou là je rentre en islam. Il lui a dit, aslim, summa qatil. Commence par islam, ensuite fais le djihad. Il a dit, shahadun la ilaha illallah, shahadun Muhammad al abdu wa rasuluhu. Il est rentré dans le djihad, il est rentré dans les rangs, il est mort. Celui-là, il n'a fait jamais dans sa vie une prière. C'est pour ça, Abu Huraira, radiallahu ta'ala, nous, de temps en temps, il faisait comme ça, comme une petite devinette aux sahaba. Il leur disait, citez-moi quelqu'un qui est rentré en islam et qui n'a jamais fait la prière. Il parlait de celui-là. Il ne l'a jamais fait. Pourquoi? Il a dit, la ilaha illallah, il est rentré dans la khur. Le djihad, il est mort. Il a dit, la ilaha illallah, en plein champ de bataille. Celle-là, c'est la même chose. Elle a dit, shahadun la ilaha illallah, à la dernière minute, elle ne connaît rien, elle est tombée malade, elle est morte vite. Inch'Allah ta'ala, c'est une musulmane, il est interdit de l'enterrer dans un cimetière chrétien, sauf si je dis Allah Alab c'est Daoula. Ensuite, ils doivent faire la prière sur elle, ils doivent aller à l'endroit où elle est, ils la mettent devant eux, et ils la mettent au milieu, comme c'est la sunna, la femme, on vient au milieu, pas devant sa tête, en plein milieu, et on fait la prière sur elle, bi'idnillah azza wa jal. Et en principe, on n'a pas le droit de la mettre, comme vous savez, dans le cimetière des chrétiens. Imaginez Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, on lui a posé cette question. On lui a dit, une femme était chrétienne et elle avait un bébé dans le ventre. Elle était chrétienne, elle avait un bébé dans le ventre. Ensuite, elle est morte et son père c'est un musulman, car un musulman a le droit de se marier avec une chrétienne et une juive. Vous savez cela. Il a dit, quand elle est morte, où est-ce qu'on l'enterre? Avec les chrétiens, parce qu'elle est chrétienne, ou bien avec les musulmans, parce que le bébé est musulman. Le bébé, il appartient à son père. Il a dit, alayhi rahmatullah, si on la met avec les chrétiens, le musulman, on va le léser, subhanallah. Un musulman, le petit bébé, il va s'enterrer avec les koufars. Si on la met avec les musulmans, on ne peut pas, parce qu'elle, c'est une kafira. Qu'est-ce qu'elle fait avec le musulman? Il l'a dit, vous allez l'enterrer ni dans le cimetière musulman, ni dans le cimetière du Kuffar. Vous cherchez un petit jardin ou là, vous l'enterrez et vous mettrez son dos face à la Qibla. Le dos de la chrétienne face à la Qibla, il a dit, parce que le bébé, quand il est dans son ventre, il a son visage tourné vers le sens contraire. Il a dit donc, pour mettre le bébé qui est musulman dans la Qibla, pour le mettre dans la Qibla, il faut que vous mettiez la femme, yani, dans le sens inverse de la Qibla. C'est-à-dire, elle donne son dos à la Qibla. Comme ça, le bébé sera vers la Qibla. Regardez les grands ulama. Un bébé, hein, un petit bébé dans le ventre, il a dit, on n'a pas le droit de l'enterrer avec les kuffars. Celle-là aussi, c'est une musulmane, incha'Allah ta'ala. C'est une croyante, bi'inna azza wa jal. Elle a dit, la ilaha Allah, Muhammad Rasulullah, avant de mourir. On doit faire la prière sur elle, bi'inna azza wa jal. Tafaddal, inshallah, prochain sou'al. Il y a le frère donc qui repose donc un dernier éclaircissement, inshallah. Il dit donc est-ce qu'il peut prier donc dans le funérarium, yani c'est la morgue où il y a tous les corps des gens qui sont morts, et il demande s'ils apprennent qu'ils ne peuvent plus changer yani les démarches pour cette femme, yani s'ils peuvent pas l'enterrer dans un carré musulman ou fibled muslim. Est-ce que, donc, comment ils font? Est-ce qu'ils font quand même salat genèse sur elle? Et comment ils font pour le lavage, pour la laver? Yani, peut-être que son mari voudra pas qu'elle soit lavée. Il y a beaucoup de, yani, d'imprévus qui peuvent arriver. Barakallahu fik, cher, tfaddal. Naam. Ils ne font que les choses qu'ils peuvent. Est-ce que tu m'entends? Dis-moi, est-ce que tu m'entends? Naam. Ils ne font que les choses qu'ils peuvent. La première des choses qu'il doit faire, c'est essayer de la laver. S'ils ne peuvent pas, il demande à sa fille d'essayer de la laver. Comment on fait le lavage majeur, Janaba, la même chose. Si elle ne peut pas la fille, qu'est-ce qu'on veut faire? On va descendre moins que cela. On va demander à la fille, on lui dit, fais-lui seulement le taïmoum. Prends un petit caillou dans ta poche, quand il n'y a personne qui te voit, tu lui mets le caillou dans les mains, toi tu te frottes. Tu te frottes tes mains avec le caillou et tu lui frottes avec tes deux mains, tu lui frottes son visage et ses deux mains. Tu dis bismillah, tu lui frottes son visage et ses deux mains. Ça c'est très facile, inshallah. Si elle ne peut pas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Et les gens, ikhwah, s'ils ne peuvent pas faire la prière devant elle, dans l'endroit où elle est, ils font la prière du raïb. Ça veut dire la prière de, je sais pas comment on appelle, yani le raïb, celui qui n'est pas là. Yani, ils se regroupent dans une maison ou là dans un endroit et ils font la prière pour elle en groupe. Ils font deux ou trois, ils se mettent en groupe et ils font la prière. Voilà, la prière de l'absence, de l'absent. Naam, ils font la prière de l'absent pour elle. Ils sont obligés de faire la prière pour elle. Inch'Allah ta'ala. Fadla, inch'Allah, une autre question. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Vous avez rappelé la croyance du prophète alayhi salam en disant que le serviteur veut le mal. Allah lui donne l'existence. Vous pouvez nous rappeler les deux sectes? J'ai pas compris. Vous avez rappelé la croyance du prophète en disant que le serviteur veut le mal. Et Allah lui donne l'existence. Pouvez-vous nous rappeler les deux sectes? Les gars qui disent le contraire. Quel serviteur? Je n'ai pas compris quel serviteur. En disant que le serviteur veut le mal. Quel serviteur? J'ai pas compris. Quand le serviteur veut le mal, Allah lui en donne existence. Allah, j'ai pas compris, yani, sincèrement. Non. J'ai pas bien compris la question. Vous avez rappelé en disant que le serviteur, c'est-à-dire n'importe quel serviteur, il veut le mal, Allah lui donne l'existence. Pouvez-vous nous rappeler les deux sectes qui disent le contraire? Quelle existence lui donne? J'ai pas compris. Qui veut faire un grand péché? Allah crée ce mal. Naam, j'ai dit que Allah dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée le mal. Crée le mal. Naam. Les Mu'tazila disent que yani, c'est le shaitan, je crois, ce sont eux qui disent que c'est le shaitan qui crée le mal. Crée le mal. Est-ce que nos jama'a disent, non, le mal, Allah le crée, mais il ne le fait pas, il ne l'aime pas. Il ne le fait pas, il ne l'aime pas. Ensuite, quand il le crée plein de chose bien. Là, yani son bien est beaucoup plus, il comporte beaucoup plus de bien que de mal. Ensuite, ce sont les créatures. Ce sont les créatures elles-mêmes qui font ce mal. Ce sont les créatures elles-mêmes qui font ce mal. Je donne un exemple très simple. Allah Azza wa Jalla, quand il a créé l'alcool, il a créé le khamr. C'est là qu'il l'a créé. Il l'a créé. Mais il a dit, ne la buvez pas. Donc pourquoi il l'a créé? Voilà, ça a une grande sagesse. C'est pour discerner celui qui se retient en la cause d'Allah et celui qui dit, moi je m'en fous. Moi je la bois, moi je suis mes passions. Moi, mon Dieu, c'est mes passions. Je fais ce que je veux. C'est pour discerner celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui adore ses passions. Donc en ce sens, le khamr, c'est quelque chose de bien. Ça permet de discerner quel est le vrai croyant de celui qui ne veut pas suivre le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un exemple, c'est tout. Mais je voulais dire que, en général, on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le mal, mais on ne dit pas il veut le mal ou là il l'aime ou là il le fait. Allah Azza wa Jal n'a de mal, ni dans son entité, ni dans ses attributs, ni dans ses actes. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Il viendra, inshallah, beaucoup de choses encore sur le mal, inshallah ta'ala. Prochain soual, inshallah. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afouane, cheikh. Est-ce que vous m'entendez? Cheikh, est-ce que vous m'entendez? Naam, smahli, il y a le frère, il veut une dernière explication. Donc, il me dit maintenant dans le funérarium, yani l'endroit où il y a les personnes qui sont dans des congélateurs, yani on attend de se faire enterrer, dans la morgue. Maintenant, s'ils peuvent prier là-bas, yani il y a des cours à côté. Est-ce que c'est autorisé qu'ils fassent salat geneza, sachant qu'il y a des koufars, il y a beaucoup de cours à côté. Wa salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le frère, il vous dit barakallahu fikoum, cheikh. Haykallah. Tfaddal. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le mohim, c'est qu'ils mettent le cadavre en face d'eux, en face de la qibla. Son cadavre, à elle, doit être en face d'eux et eux en face de la qibla. Les autres cadavres doivent être des kofars à droite, à gauche, derrière, ça ne fait pas mal. L'essentiel, c'est qu'ils ne soient pas les cadavres derrière son cadavre à elle, pour que les cadavres des kofars ne soient, pour que leur prière ne soit pas sur les cadavres des kofars. Il faut faire bouger un peu le cadavre à droite ou bien à gauche, afin qu'il soit seul, le cadavre seul, son cadavre en face la qibla. Voilà. Inch'Allah ta'ala. Sinon, il le prenne un peu à droite, à gauche, ou là, il le sort dans la cour, ou là, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'autres cadavres en face de la qibla. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadl. Quel est le jugement de la femme qui quitte son époux sans raison valable? Manque de sens, même plus. En demandant le divorce, son mari est contre. Elle part quand même et se remarie. Quel est le statut de ce nouveau mariage? Naam. Elle ne peut pas se remarier tant que son mari ne l'a pas divorcé ou bien le juge ne l'a pas divorcé avec le khula, ce qu'on appelle le khula. Elle ne peut pas. Sinon, elle est dans la zina. Elle est toujours dans la zina tant que son mari n'a pas dit avec sa bouche « tu es divorcé » ou bien tant que le juge ne l'a pas divorcé. Le juge musulman, il a le droit de la divorcer même si son mari ne veut pas. Quand, c'est quoi? Quand il y a des raisons valables. Par exemple, quand il la frappe beaucoup, quand il veut faire le haram avec elle, il veut faire des rapports dans les monstrues, il veut il demande des choses de haram. Cheikh Ibn Uthaymin a dit, même s'il fait toujours la prière à la maison, il ne veut pas aller à la mosquée ou là, elle a le droit de demander le khula, la séparation. Mais pour se séparer, il faut, comme j'ai dit, que viennent des gens de sa famille à elle, de sa famille à lui, etc. Ils prennent une décision finale. Mais la fille saute. Donc, puisqu'il n'y a pas de sang, je vais sortir, inshallah ta'ala, et je vais revenir. La fille saute. Naam. Qu'est-ce qu'il dit ici? قال أشعر أن الله ليس له حدود ماذا قال علماء السنة على ذلك كيف نرد على ضلالهم etc. نعم. Ça c'est un peu long et j'ai pas le temps de répondre longuement sur cette question. Mais très brièvement, je dis que Khayrul Hadith est du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un veut ne pas rentrer en enfer demain et veut rencontrer Allah Azzawajal ravi de lui et réjoui, qu'il suive la aqida du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, qu'on appelle Salaf Saleh, et qu'il ne suive pas la aqida des Mu'tazila, ou bien des Shia, ou bien des Khawarij, ou bien des Karamiya, ou bien des Asha'ira, mais qu'il suive celle des Sahaba et des Tabi'in, radiyallahu ta'ala anhum. Et tous, ils sont unanimes pour dire que Allah Azza wa Jal est sur son trône, comme a dit l'imam Malik et tous les autres. Ils ont dit Allah est au-dessus de son trône. Allah mustawin ala l'arche. Alors les autres disent non. On ne dit pas Allah subhanahu wa ta'ala est sur son trône parce qu'on l'a mis dans un endroit. Quand on a dit il est sur son trône, ça veut dire khlas, on l'a mis dans un endroit. Donc il faut dire il n'est pas au-dessus de son trône, il est partout. À celui qui dit il est partout, il peut rentrer dans le coffre, il peut devenir un kafir. Car il veut dire que Allah Azza wa Jal se trouve dans le ventre de l'âne, il est partout. Il se trouve dans les toilettes, il se trouve dans les parties intimes de la femme, parce que Allah est partout. Astaghfirullah, ma'adallah, hachadillah, hachadillah. Ensuite, quand on dit il n'est pas au-dessus de son trône, ça veut dire qu'on dit à Allah, je ne crois pas en ton Coran n'est pas vrai. Il y a des mensonges dans le Coran. Parce que le Coran, à plusieurs reprises, il a dit, il s'est établi au-dessus du trône. Et toi, tu dis non, il n'est pas au-dessus du trône, il est partout. Si je dis il est au-dessus du trône, je l'ai mis dans un endroit, il est sur le trône, c'est interdit. Alors on te dit, taqillah subhanahu wa ta'ala, et si tu veux réussir et rencontrer la ravie de toi demain, dis, comme a dit le Coran, et comme a dit la Sunna, et comme ont dit les Sahaba, et les tabi'un, radiyallahu ta'ala anhum, ne t'éloigne pas d'eux, même s'il faut yani, d'un petit doigt. D'un petit doigt, ne t'éloigne pas d'eux. Il te suffit. Yassi'uka ma wasi'ahum. Ça te suffit que ce dogme-là, de dire que Allah est au-dessus du trône, c'est le dogme du prophète, de tous les compagnons, de tous les tabi'in, et des Ahmed et les grands savants. Ça te suffit là-bas. Si tout cela se sont trompés, que je me trompe. Si les compagnons du prophète n'ont pas la vérité, et les tabi'un, leurs enfants n'ont pas la vérité, et les grands a'imma, les grands quatre n'ont pas la vérité, alors qui a cette vérité? Qui l'a? C'est moi qui l'ai ou là c'est toi? La hawla wa la quwwata illa billah. Tfadlan, inshallah, prochain soual. Une sœur dit, pourriez-vous réexpliquer, inshallah ta'ala, je vous dis que Allah se cite par exemple dans le Fatiha, en na'mata et dalin, pour beaucoup de versets que vous avez cités. Pourriez-vous réexpliquer, inshallah, lorsque vous disiez que Allah se cite, par exemple, dans la Fatiha, en na'mata, ça j'ai pas bien compris, et dalin, et d'autres versets que vous avez cités. Qui peut me former, qu'est-ce qu'elle veut dire? Que veut dire la sœur Bilal Azza wa Jal? Que je comprenne qu'est-ce qu'elle veut dire ici. Si quelqu'un peut me formuler, inshallah ta'ala, qu'il me formule. Afin que je comprenne ce qu'elle veut dire par là. An'amta. Naam. Bon. Je répète comme ça très vite, c'est bien d'Allah. Khlas, j'ai compris. Naam. Ni'ma, c'est d'Allah et l'autre, c'est pas d'Allah. Naam. Qu'Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran. Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-ladina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النعمة il a dit أنعمت عليهم. Tu les as comblés de faveur. Qui a comblé de faveur? C'est Allah. Donc quand c'est une faveur ni'ma, on dit elle est d'Allah. Quand c'est quelque chose qui n'est pas bien, on dit elle est de nous. C'est pour ça il a dit أنعمت عليهم أنت الذي أنعمت. C'est toi qui les as comblés. Ensuite il a dit ولا الضالين. الضالين les égarés. Il n'a pas dit c'est toi qui les as égarés. Et avant cela, il a dit, غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم, il n'a pas dit le sujet, il n'a pas dit c'est toi qui a غضبت عليهم. C'est toi qui t'es courroucé d'eux. Il a dit المغضوب عليهم, c'est pas quelque chose de bien. Il ne veut pas citer Allah Azza wa Jalla fi al-Jalala. Et comme ça, c'est une règle. C'est pour ça que les djinns, ils ont dit, وَأَنَّا لَا نَدْرِي, on ne sait pas. Ashurrun urida biman fil ard. Est-ce qu'un mal a été voulu aux habitants de la terre? Am arada bihim rabbuhum rashada. Ou bien leur Seigneur a voulu les mettre sur le droit chemin. Quand ils ont parlé du mal, ils n'ont pas dit c'est Allah qui fait le mal. Il a dit urida a été voulu. Ils n'ont pas cité le sujet. Sharrun urida, il y a un mal qui a été voulu. Ils disent pas qui c'est. De toute façon, c'est Allah qui leur veut du, qui a créé le mal, qui va les mais il ne veut pas citer le sujet. Pour être éduqué avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand c'est quelque chose de bien, il a dit, ou si leur Seigneur veut les mettre sur le droit chemin. C'est pour ça aussi il a dit, Ibrahim, alladhi khalaqani, celui qui m'a créé quelque chose de bien. Alladhi khalaqani, fa huwa yahdin, c'est lui qui me guide. وهو الذي يطعمني في مانجي ويسقيني me fait boire واذا مرضت si je tombe malade il a pas dit c'est lui qui me fait tomber malade il a dit c'est du avec Allah il a dit واذا مرضت si je tombe malade فهو يشفيني c'est lui qui me guérit à la fin il a dit والذي اطمع ان يغفر لي c'est lui Allah عز وجل qui pardonne parce que pardonner c'est quelque chose de bien خطيئتي mes fautes. Ce n'est pas les fautes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il y a plein d'autres ayats. Le dernier verset que j'ai cité, si je me rappelle bien, je parlais de l'embellissement. Quand c'est quelque chose de bien, Allah Azza wa Jalla s'est cité. Il a dit, « وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانِ » C'est Allah qui vous a fait aimer la foi. « وَزِيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ » Il l'a embelli dans vos cœurs. Mais quand il a parlé des femmes et de l'or, etc., il n'a pas cité le sujet. Il a dit, « زُيِّنَ لِلنَّاسِ » Il a été embelli aux gens. Il a été enjolivé aux gens. Il n'a pas dit j'ai enjolivé. Il a dit il a été. Il ne cite pas le sujet. C'est pas quelque chose de bien. Zulina linnas yuhubbu shahawat min an-nisa. Il a été enjolivé aux gens. L'amour des choses. Il désire les femmes. Ou le banin, les enfants. Ou le qanatil muqantara. Les trésors, etc. d'or et d'argent. Ou le khayl al-musawwama. Les chevaux qui sont marqués. Ou l'an'am, le bétail, ou l'harf, et les champs, etc. Ici, il n'a pas dit, c'est moi. Il a dit, il a été embelli. Voilà ce que je voulais dire, Inch'Allah ta'ala, tu as compris. Quand c'est quelque chose de bien, on cite le sujet, on dit c'est Allah. Quand c'est quelque chose de mal, on laisse le sujet. Ça s'appelle en français la forme passive. Hein? La forme active, j'ai mangé la douara. La forme active, j'ai mangé la douara. Forme passive, la douara a été mangée. Qui c'est? Allahu alam. Peut-être l'imam du Kuwait l'a mangée. Allahu alam. La douara a été mangée, c'est tout. Naam. Fadal, prochain soual, Inch'Allah. Inch'Allah, il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes et ça va être 1h du matin pour Inch'Allah arrêter. Il reste 5 minutes. Ummi Ishaq, alaykoum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'on peut considérer comme une épreuve d'Allah une sœur qui a une fille qui a fait zina, ensuite est tombée enceinte? Et malgré les appels de cette sœur, sa fille reste habitée avec le zané. Bien sûr, c'est une grande épreuve pour la sœur. Naam, c'est une épreuve et c'est une grande épreuve. Inna ma amwalukum wa awladukum adouun lakum. Naam, wa inna min amwalukum wa adouun lakum. Naam, les enfants peuvent être nos grands ennemis. Wa kadhalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun. L'Azim a dit, et c'est ainsi qu'on a fait certains de vous, pour d'autres, des fitna. Est-ce que vous allez patienter? Donc, ici, la fille de cette sœur, c'est une fitna pour la sœur, pour voir est-ce que la sœur va patienter, ou là, elle va faire autre chose qui n'est pas bien. Naam, elle va faire son possible, Inch'Allah Ta'ala, pour essayer de la rendre vers leur droit chemin, elle va essayer son possible pour yani, dhikra, pour lui faire des rappels, elle fait beaucoup de doua la nuit, etc. Maintenant, si la fille ne veut pas revenir vers le chemin, tu dis, yani, tu te désengages. Alhamdulillah, moi j'ai fait, yani, mon possible, ce que je peux, ce que je ne peux pas. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Naam, toi tu fais le possible, ton père fait le possible. Quand c'est trop tard, là, elle est partie ailleurs, je ne sais pas où elle est, kada. On se désengage devant Allah, subhanahu azza wa jal. Et c'est une grande épreuve pour la sœur, et ce n'est pas une épreuve facile. الله سبحانه وتعالى أن يكون معها وأن يعينها وأن يهدي بنتها وأن يرجعها إلى الطريق وأن يرجعها إلى الصواب وأن يهدي قلبها وأن يقوي إيمانها آمين يا رب العالمين. Selon Cheikh Ibn Othaymin, lorsque une femme a vu ses menstrues se prolonger au-delà de 15 jours, après cela, elle a constaté que c'était l'istihada. Doit-elle rattraper ses jours de prière qu'elle a manqué, ses sa'ada, et de 7 jours? Naam, Cheikh Ibn Othaymin a dit, et beaucoup de ulama disent que il n'y a pas pour une femme les menstrues plus de 7 jours. Il n'y a pas pour une femme les menstrues, j'ai dit 7 jours, pardon, il n'y a pas pour une femme les menstrues plus de 15 jours. Toute femme qui a les menstrues, elle attend, par exemple, 7 jours, 8 jours, 9 jours, ils peuvent pas, ils veulent pas s'arrêter, elle attend. 11 jours, 12 jours, 13 jours, ça s'arrête pas, elle attend. 14 jours, 15e jour, ça c'est la moitié du mois. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Enfin, la moitié du mois, ça veut dire, elle a compté 15 jours à partir du premier jour, bien sûr, des menstrues. Maintenant, ça fait 15 jours qu'elle est avec les menstrues, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit ça, c'est l'istihada. C'est-à-dire, c'est la veine saignante. Ce n'est plus, quoi? Ce n'est plus les menstrues. Donc, elle se lave, elle commence à faire la prière. Ici, Cheikh Ibn Othaymin a dit, si elle rattrape ses jours, c'est mieux. Si elle rattrape ses jours, c'est mieux. Wa ahwat laha. Il a dit, si elle rattrape ses jours, c'est mieux. Mais quelle est celle qui, peut-être, ne rattrape pas? Celle qui ne savait pas. Elle savait pas. Elle croyait que c'était quoi? Elle croyait que c'était des menstrues. Ensuite, elle a appris. Elle a appris qu'après 15 jours, il n'y a plus de menstrues. Celle-là, on lui dit, tu peux ne pas rattraper, comme a fait Zainab bint Soubaïch, quand elle a dit au prophète, al-Islam, j'ai une grande istihada, je reste beaucoup de temps sans faire la prière. Il lui a dit, non, reste seulement les jours que tu restes, 6 ou 7 jours, et tu te laves. Et tu te laves, ne reste pas tous ces jours. Et il ne lui a pas dit rattrape. Il lui a pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas, c'est nouveau pour elle. Quand une femme ne sait pas, on lui apprend la chose, c'est pas la peine qu'on lui dise rattrape. Mais celle-là, elle savait. C'est-à-dire, elle attendait seulement, elle attendait, et puis ça, c'est arrivé 15 jours. De préférence, elle rattrape, inshallah ta'ala, ou à ahwat. Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il reste une question ou deux? Une sœur demande, j'aimerais savoir si je prends des dloubes, parce que je porte le hijab. Non. Parce que je porte le hijab, mais je dois l'enlever pour mon stage, parce que je suis à l'école et quand je l'enlève, je fais mon stage à la poste, je l'enlève devant un café où il y a plein d'hommes, mais j'ai pas de choix, comment faire cela? La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Na'am, yani, comme a dit Allah Azza wa Jal, fattaqullah ma stata'tum. Yani, une femme, quand elle se déshabille, elle doit être au maximum cachée. Elle doit se cacher au maximum. Non, elle doit se cacher au maximum. Enlever comme ça devant un café, devant tous les gens qui voient, yani, c'est pas une chose facile. C'est pour ça que, je ne sais pas moi, elle demande d'aller, de rentrer dans les toilettes ou je ne sais pas quoi, et elle se déshabille là-bas. Elle demande d'aller dans les toilettes ou, je ne sais pas, dans un endroit où elle peut, yani, mettre, se déshabiller et mettre l'autre habit plutôt que de se déshabiller comme ça dans la rue. Mais, s'il n'y a que ça, Allahu a'lam. S'il n'y a pas d'autre issue, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam, istaqullah ma stata'tum. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Est-ce qu'il reste une dernière question? Dernière question, inshallah. Une sœur qui garde une petite fille pour gagner de l'argent se demande si elle peut continuer, sachant que le papa de la petite fille vient la chercher devant la maison et qu'elle est amenée à discuter avec lui sans mahram, mais il rentre jamais chez elle. Est-ce qu'elle peut toujours garder cette petite? Quand elle parle avec cet homme, si c'est devant les gens, et avec la permission de son mari, ce n'est pas interdit. Qu'une femme parle avec quelqu'un devant les gens, elle dit à quelqu'un où se trouve cette chose, où là vous avez fait tomber cette chose, où laquelle devant les gens, ce n'est pas interdit. Car dans le Bukhari, il y a le hadith où le prophète alayhi sallam, yani, parlait avec les femmes. Le prophète sallallahu alayhi sallam parlait avec les femmes. Seulement, il a dit, quand il y a une femme seule dans la maison, on doit lui parler. Par exemple, il a dit, ne rentrez pas seul. Faites rentrer un autre homme avec vous ou un deuxième. Yani, jamais un homme ne rentre pour parler avec une femme seule. Il fait toujours amener quelqu'un avec lui ou bien un troisième. Comme c'est dans le hadith sahih. Donc elle, si elle parle avec lui devant tous les gens comme ça qui entendent, ce n'est pas grave. Mais si elle parle avec lui en tête à tête, dans un endroit caché où personne ne les voit, ça, c'est interdit. C'est pour ça que il est préférable qu'elle descende dans la rue où tout le monde la voit, yani, pour que quand elle parle avec lui, yani, devant tout le monde, et pas cracher dans un endroit. Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai terminé inshallah pour aujourd'hui. Inshallah ta'ala, le prochain daf, c'est mardi. On termine le fiqh, on termine istihada et on va rentrer dans la salat, inshallah ta'ala. Je demanderai à mes frères et mes sœurs s'il y a quelqu'un qui a le livre de la salat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la description de la salat du prophète de Sheikh Al-Albani. S'il y a, il m'envoie comme fichier dans mon mail, barakallahu fikum, s'il peut m'envoyer ce livre, la salat du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je suis sûr que quand on terminera les monstres, on apprendra beaucoup de choses dans la salat. Faire beaucoup de sœurs et de frères font beaucoup de fautes dans la salat, j'en suis sûr. De toute façon, le dars, c'est mardi, inshallah ta'ala, à 20h. Mais, puisque demain c'est dimanche, demain c'est lundi, il est possible, inshallah ta'ala, que je rentre comme ça la nuit pour répondre à certaines questions. Il est possible. Je ne donne pas de rendez-vous. Mon rendez-vous, c'est inshallah ta'ala, mardi. Mais il est possible que je rentre demain ou l'après-demain comme ça, si j'ai du temps et je ne me sens pas fatigué. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته